Le frère Loïc, bonsoir et bienvenue dans Belgique dans la sainteté. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Le frère Lydia. Bonsoir, Fadi. Ouais, bonsoir ma soeur. Ça va le couple tra? Comment vous allez? Le frère Lydia, on ne te voit pas. Bonjour et bienvenue. Bonjour frère. Ça va? Ça va, Dieu merci. On ne te voit même pas. On te voit seulement là en carrelé avec écotype écossais là. Je suis couché dans l'obscurité. Tu es dans l'obscurité. La soeur Reine, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir tout le monde. Toi également, on ne te voit pas. On voit seulement une rose, pleine d'amour, que tu envoies sur le forum. On te voit. Bon appétit. Merci. Le frère Loïc, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. C'est... Bonsoir, je suis ravi de te rencontrer aujourd'hui. Moi aussi. La sœur Myriam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On ne te voit pas. Toi, tu me vois. Oui, frère, je te vois. Tu vois tous les autres frères, tous les autres sœurs, non? Non, je ne vois pas Al, je ne vois pas Madouka. Bon, je crois qu'en mettant ta vidéo, toi, tu vas les voir aussi. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai, mais je pense que tu vois. Tu veux pas qu'on te voie, hein? Oui, j'ai pas le foulard, je vois pas, je suis bien. Donc, ça veut dire que le foulard, c'est pour nous, alors c'est pour qu'on te voie, c'est pas pour Dieu. C'est-à-dire, si tu ne vois pas. Non, ouvre ta vidéo, ma soeur, ouvre ta vidéo. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Le frère Tra, bonsoir. Le frère Tra est où? Je suis là, président. Mais tu es toujours tu es en mouvement, tu tiens de faire les courses. Bon appétit aussi. Je crois qu'il va falloir que tu sois stable afin que ta connexion soit stable. On commence ce soir, n'est-ce pas? On est en retard de 15 minutes. Donc vous savez que vous étiez connecté, mais personne ne voulait parler. Allez, Diara, est-ce que c'est normal alors? C'est pas normal. Je suis à votre service, ma Bible est devant moi, j'attends des questions. Il faut que tu sois posé d'abord jusqu'à ce que ta connexion soit stable, mon frère. À ce temps que tu bouges, là, ça ne doit pas bien donner. Oui. En fait, ton passage ici avec ton épouse, en fait, parmi les questions que j'avais posées, il y a une question dont j'avais oublié. C'était à votre époque que ça m'est venu en tête. Donc, quand on dit poser les questions, tu ne poses pas, tu as gardé les questions. Quand on est rentré maintenant, tu as les questions. Non, en fait, j'ai posé, mais c'est une question qu'il n'avait pas notée dans ma fuite. Mais c'est après une question. Ok. Question numéro 1, c'est frère Trabi. Attends, il note ton nom et ta question. Allons-y. En fait, c'est sur les anges, en fait. Les anges. Oui. Les hommes. La connexion n'est pas bonne. Tant que tu vas bouger. Le frère Ali Diara, de dingue, fermez ton micro parce qu'il y a un retour là. En bas? Oui. Faut fermer le micro comme ça, quand tu vas vouloir parler, tu ouvres le micro. D'accord. Voilà. Ah oui, frère, tu habites, tu parlais des anges. Oui, oui. Parce que sont-ils des hommes ou de quelle nature sont-ils? Parce que quand on voit la conversation de l'ange avec Marie, ça, il arrive aussi avec les parents de Gédéon. Moi, je ne sais pas de quelle nature ils sont. Parce que quand on lit le livre de Hébreux aussi, il nous dit que, il est écrit dans Hébreux aussi que, en faisant du bien, c'est comme si ce sont les anges que nous logeons chez nous. À un moment, je comprends que ce sont les hommes, mais les autres, je n'arrive pas. Puisque même ceux qui ont délivré, celui qui a délivré aussi Pierre, ils savent. Bref, on parle de. Bon, on va aller doucement. Est-ce que le fait qu'on ait utilisé dans ce livre d'Hébreux au chapitre 13, là, que exercer l'hospitalité, car plusieurs personnes en l'exerçant ont logé des anges sans le savoir, est-ce que ça pose problème? Tu poses la question que est-ce que les anges sont des hommes? Comment les anges peuvent être des hommes? Eh mon frère. Mon frère Tra. Ça va aller, d'accord. Dès que tu es posé, on va parler. Oui, d'accord, on s'est stoppé. Tu es sûr? Vous m'entendez? Là maintenant c'est bon. Voilà. Voilà, je crois que tu vas devoir reprendre ta question pour qu'on puisse bien saisir. En fait, ma question s'est basée sur les anges. Je voulais savoir, quand la Bible parle des anges, la Bible parle des hommes ou bien de quelle nature ils sont en fait? C'est tout? Ouais, c'est tout. Ok. On va prendre la Bible, d'accord? Oui, oui. Ouvrons le livre de Luc au chapitre 24. Luc, le chapitre 24. Chapitre 24, préparez le livre des Jean au chapitre 20. Comme ça, on va rapidement. Quel verset? Donc, préparez Jean chapitre 20 et Actes des Apôtres chapitre 1. On va lire en parallèle et on va commenter. Dans Luc chapitre 24, quelqu'un peut-il lire, le frère Loïc, tu peux lire le verset 13 à 21 déjà? Or, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption en Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Voilà. Voilà. Nous voyons effectivement ici dans ce livre de Luc, chapitre 24, nous voyons que vous m'entendez bien? Oui. Voilà. Très bien. Que le Seigneur ajoute des bénédictions vraiment à la lecture et au partage de sa parole ce soir. Et je prie qu'il nous bénisse chacun pour sa part. Nous voyons dans cette lecture ici le Seigneur Jésus qui apparaît à ces deux Cléopas et son ami qui sont de descendre à Emmaüs. Et dans leur conversation, ils donnent le compte rendu que, en réalité, il y a même des femmes qui sont venues nous dire que des anges leur sont apparus. Pas vrai? C'est ça. C'est ce qui est écrit dans ce livre de Luc, chapitre 24. Tout à fait. Voilà. Verset 18 dit encore, l'un des nommés Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Maintenant, le verset 22 dit, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Maintenant, ouvrons le livre de Jean, chapitre 23, comme je vous disais. Ce qui sont les dire, là, vous pouvez lire ça dans le livre de Marc, également, chapitre 16 et autres. Je crois que si le Seigneur permet, on va y aller. Verset 11 à 17 de Jean, chapitre 20. Vous pouvez lire. Cependant, elle tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors deux anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus. Oui. L'un à la tête et l'autre. Je continue? Continue, mon frère. Ouais. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. Après avoir dit cela, elle se retourna, elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Amen. Donc maintenant, nous voyons une fois de plus ici, le verset 12 dit, verset 11 dit, cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. La Bible déclare, elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ça, c'est le Saint-Esprit, l'écrivain, qui nous donne le renseignement que c'était des anges qui étaient assis. Mais maintenant, dans la compréhension du verset, lorsqu'on va voir ce que la femme voit, on voit qu'il ne voit pas des anges se resplendissant, qui ont des ailes et autres. Parce que la suite dit, regarde par exemple, le verset dit, il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Donc ça veut dire qu'ils avaient la forme même de Jésus. Il y a un bruit là, de quelqu'un qui venait se connecter et ça fait du bruit. Donc, Jésus, notre Seigneur ressuscité, avait la forme humaine comme nous. Ouais, n'est-ce pas? C'est la texture, comment on va dire cela? C'est la composition même de l'être, du corps qu'on voit qui est différent du nôtre. Ça veut dire que la morphologie est identique, les nez, les yeux, le langage, dans notre atmosphère, dans notre cercle, c'est identique. Parce que là, la femme semble ne pas être étonnée de la forme des personnes qu'elle voit. Et la Bible nous enseigne qu'elle croyait que c'était, en conversant avec Jésus, que c'était le jardinier. Vous voyez cela, ça veut dire que la personne avait l'air d'un être humain normal, mais c'était le Seigneur des gloires qui était présent. Et de la même façon, comme dans le livre de Luc, chapitre 24, les deux personnes, les Cléos, le Cléopas qu'on a vu tout à l'heure qui allait à Emmaüs, la Bible dit qu'ils ont rencontré Jésus sur le chemin, ils continuent à marcher avec eux naturellement. Donc il n'y avait rien en elle, dans cette forme de corps avec lequel le Seigneur s'est apparu, qui s'est transcendé, un être de puissant, glorieux, et autre, là, magnifique avec les ailes, comme dans le cadre d'Ésaïe chapitre 6, qu'on voit l'année de la mort du roi Ozias, les anges, les séraphins qui sont avec six ailes là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc c'est après avoir expliqué toutes ces choses qu'on va revenir maintenant sur la façon des anges de se manifester, comment Dieu le fait. Maintenant, la Bible déclare, il dit, pourquoi pleures-tu? Quand il a dit Rabouni, quand cette appellation-là, quelque chose s'est passé et qu'à un déclin, la femme a su que c'était Jésus. Ouais, de la même façon comme il a marché avec ces gens-là jusqu'à Emmaüs, c'est le soir quand il a rempli le pain qu'ils ont compris que c'était le Seigneur. Et donc, dès qu'ils ont compris que c'était le Seigneur, on dit leurs yeux s'ouvrirent. Puisqu'on nous donne le renseignement que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est Dieu lui-même qui fait. Ça veut dire qu'on peut effectivement loger les anges comme on a vu là sans savoir. Ouais, ça, mes frères. Si on va dans l'Ancien Testament, on va voir la même chose là-bas quand les trois sont venus vers Abraham. Qu'Abraham a vu, en tant que prophète, il a su que l'un était Dieu. Il a lavé les pieds. Quand les deux autres vont aller à Sodome, remarquez très attentivement que les gens de Sodome ont vu une forme des hommes. Ils ont tout simplement vu, ce qu'ils ont vu, c'est une morphologie humaine. Et là, comme ils avaient été dans l'homosexualité, ils croyaient que non, c'est un territoire à conquérir. Ce sont les êtres humains normaux comme les autres. Pourtant, c'était des anges qui étaient présents, puissants, envoyés pour armer. Et donc, regardez maintenant, sur la terre se trouvent des anges qui parcourent la terre. Qui parcourent la terre avec des habits normaux comme nous. Ils ne viennent pas avec des épées comme on voit comme ça. Quand ils sont avec des épées, c'est autre chose pour combattre les êtres spirituels. Les anges ne viennent pas avec des épées pour combattre les êtres humains normaux comme nous. Vous voyez cela, quand ils viennent, c'est pour, quand ils descendent sur la terre, sur la forme spirituelle là, c'est pour combattre des entités spirituelles, pas pour nous. Quand ils viennent vers nous, ils viennent de façon naturelle comme vous voyez là dans le cadre des écritures que vous allez voir. Alors on va voir plusieurs. Oui, mon frère Loïc, tu voulais parler. Oui, je veux demander quelque chose en fait. Dans l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, vous parlez de Abraham lorsque les trois individus sont présentés à lui. Oui. Mais comment il fait pour s'apercevoir que en fait en face de lui là Dieu. Les prophètes assistent au conseil des dieux. Donc ils reconnaissent tous ceux qui sont en haut là-bas. D'accord, mon cher? Comme. Non. Les prophètes, vous m'entendez là, n'est-ce pas? Les prophètes, appelés des dieux, assistent au conseil des dieux. Donc ils les reconnaissent. Regardez par exemple dans le livre de Matthieu, chapitre 17, lorsque le Seigneur va prendre Pierre, Jean et Jacques sur la montagne. Merci. Lorsqu'il y a transfiguration, Jésus, son visage est transformé. Directement, il est Moïse présent. Ils n'ont pas de photo d'Élie de Moïse. Il n'y a pas une écritoire sur son habit pour dire c'est Élie. La Bible déclare qu'il se tourna vers Élie et autres là-bas. Élie Moïse est apparu. Il dit qu'il est bon pour qu'on fasse des tentes, un pour Élie. Pourtant, aucun renseignement là-bas ne dit que quelqu'un en a dit que voici Élie, voici Moïse. Dans l'esprit, tu connais tout simplement ce qu'il y en est. Tu vois cela, n'est-ce pas? Donc, quand ça apparaît, bon, ce n'est pas le moment de raconter ces choses dans la vision. Donc, quand ça apparaît dans la vision, tu sais que voici telle personne. Tu sais que voilà telle personne. Quand le Seigneur, regardez par exemple les disciples. Dans le livre des Jean, chapitre 21, là, que nous avons devant nous, quand ils vont aller pêcher, vous allez voir, quand verset 1, ils vont dire que je crois qu'il va falloir que nous allons à la pêche. Pierre va aller pêcher et les autres vont suivre. Quand ils vont finir de pêcher, ils ne vont pas prendre le poisson. Quelqu'un est assis là en train de briser le poisson en bordure de la mer. C'était Jésus le Seigneur. Il dit, petits enfants, vous attrapez quelque chose. Il le voit, un être humain normal comme ça. Quand il a commencé à manger, là où Jésus a dit que paie mes brebis. La Bible déclare que personne n'osa lui poser la question que c'est toi. Parce qu'en réalité, ce n'était pas le même Jésus qu'ils avaient physiquement, parce que c'était lui, ils devaient le reconnaître automatiquement. Donc il pouvait apparaître dans n'importe quelle forme, mais masqué, mais c'était son être à l'intérieur qui devait le faire détecter. Et donc là, quand il a commencé à dire petits enfants, Pierre, même plus que ceci, il dit, et la Bible déclare que ça, chacun savait que c'était le Seigneur, mais personne n'osa parler. Tu vois cela? Exactement. Il savait que c'était le Seigneur. Donc les anges en clair peuvent prendre la forme humaine. C'est pour ça que vous allez voir effectivement, regardez très attentivement le frère Traquet a posé la question. Lorsque vous allez voir donc dans la Bible, je crois que c'est. Voilà, merci pour découper le micro. Lorsque vous allez voir dans la Bible, et comme on va le voir dans certains versets maintenant, on va dire les hommes apparus, c'est pour donner la forme, parce qu'au milieu des hommes, ils pouvaient se confondre aux êtres humains. Comme le cas de Sodome et Gomorrhe, comme on a vu là-bas, les deux anges qui sont allés là-bas. La Bible déclare, remarquez, ouvrez le chapitre 19. Ouvrez le chapitre 18 de Genèse et le chapitre 19. On va lire les deux premiers versets de chaque verset, de chaque chapitre. Rapidement. préparons aussi le livre de Marc, chapitre 16. On va lire le verset 4 et 5. Le verset 2 à 5. Donc, Marc, chapitre 16, verset 4 à 5. Donc, les sœurs ont décidé de fermer leur... Je crois que c'est mieux que je ferme aussi ma vidéo. Les sœurs, pendant qu'elles ferment... Non, on va fermer. Je vais fermer ma vidéo. Comme ça, vous allez aussi entendre ma voix, tout simplement. Voilà. Comme ça, vous allez voir les cocotiers là-bas. Puisque l'important, c'est la voix. Vous avez non, mon frère, moi je reviens. Non. Quand vous allez revenir, vous allez ouvrir tout, je vais ouvrir. Alors, donc, vous êtes dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Les deux premiers versets seulement de ces différents chapitres. Avant qu'on passe aux questions suivantes. On y va. Les deux versets. Deux premiers versets seulement de chapitre 18 d'abord. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Oui. Leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Vous voyez effectivement que Dieu ne peut pas venir, un homme, Abraham en tant que prophète ne peut pas adorer un homme. Mais le verset 2 nous dit qu'il leva les yeux et regardait, et voici trois hommes. L'expression c'est trois hommes. Ça ne veut pas dire que c'était des. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont des formes humaines, qui étaient physiques, qu'on pouvait reconnaître comme des êtres humains comme ça normal. Donc ils pouvaient passer inaperçus. Mais quand Abraham a vu, le renseignement nous a dit que l'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, vit trois hommes. Il alla vers l'un d'eux. Donc parmi les trois, il y avait l'Éternel là-bas qui avait pris la forme humaine. La forme humaine sans être humaine de chair comme toi et moi. C'est ça qui scandalise les gens. Maintenant, regardons encore, quand il va rester causer avec lui, avec Abraham, ils vont manger au-delà, là-bas, manger le petit brebis là, que Abraham va faire avec Sarah. Maintenant, pendant qu'il restera causer avec Abraham, le temps qu'Abraham intercède pour Sodome et de Gomorre, la Bible nous installe, nous dit au chapitre 19, maintenant verset 1 et 2, qu'est-ce que ça dit? Allons-y. Les deux anges arrivaient à Sodome ce soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Voilà. Verset 2. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans ma maison, dans la maison de votre serviteur. Et passez-y la nuit. Lavez vos pieds. Lavez-vous les pieds. Vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Voilà, je vais continuer ce verset-là. Mais vous remarquez une fois de plus que la Bible continue au verset 19 en disant que les deux anges arrivaient au Sodome sur le soir. On dit maintenant que parmi là, il y avait deux anges. En tout cas, le mot hébreu qui est traduit par anglais, c'est Malak. C'est-à-dire que ça peut se référer à un messager, à un envoyé, à la téléphonie de Dieu lui-même, à Dieu tel qu'on voit là-bas dans les différentes appellations. Frère Ali Diarra, viens fermer le micro, comme tu es revenu. Dès que tu es déconnecté, il faut seulement se reconnecter dans le groupe, ne lance pas la peine. Maintenant, le verset 3 continue en disant, mais l'autre les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et il mangeait. Remarquez très attentivement que l'autre les appelait mes seigneurs. Il s'est prosterné. Ça veut dire que même l'autre savait que ces êtres-ci sont différents des êtres humains. La Bible déclare, le verset suivant, verset 4, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison depuis les plus grands, les enfants jusqu'au vieillard. Regardez bien. Depuis les enfants jusqu'au vieillard. Donc, tous étaient dans le monde, c'était même les enfants. Et Jésus a dit, ça va revenir sur la terre. C'est terrible. Toute la population était accourue. Écoutez bien, verset 5. Ils appelaient l'autre et lui dirent, où sont les hommes, soulignez, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Donc, eux, ils voyaient les hommes parce qu'ils avaient la forme et la morphologie de l'être humain, tout simplement normal comme nous, mais c'était des êtres spirituels. Donc, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans la rue là-bas comme ça qui veut prendre le métro et dit, pardon, il me manque 2 euros complètement, tu dis que fous-moi le cap. Et c'est au Seigneur que tu dis comme ça. Hein, mes frères? Ouais. Peut-être vous avez, peut-être dans vos matchs, vous avez déjà giflé le Seigneur. Insulté quand tu regardes un clochard comme ça là. Je suis venu en Europe souffrir pour toi. Et vous avez fait comme ça, vous avez fait comme ça au Seigneur. Puisque la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13 que. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13 que beaucoup de personnes ont osé loger les gens sans savoir. N'est-ce pas, mes frères? Qui a insulté Jésus sans savoir? Amen. Peut-être que vous avez insulté. Donc, souvenez-vous, remarquez très attentivement. Je vous en ai, vous connaissez l'histoire de Martin de Tours, n'est-ce pas? Non. De toute façon, ce n'est même pas le moment. Donc, c'était ta question. Alors, restez dans la Genèse toujours. Vous aimez trop les histoires. Vous êtes Genèse. Mon frère, ta vidéo. Oui, j'attends que les gens mettent d'abord leur vidéo. Quand Myriam est la soeur, il y a quelqu'un, il y a Ali Diara, il y a Odile Sané qui va mettre la vidéo. Je vais mettre la mienne. Vous entendez au moins ma voix, non? C'est pas ça. Chapitre 32. Le frère Loïc lit le verset 24 à 29. De Genèse 32. Combien? 32. Je crois qu'après ça, c'est plein dans les Saintes Écritures. Donc, comme ça, on finit avec la question là. Donc, Genèse 32, verset 24 à 29. Okay. Il les prit, leur fit passer l'ouest, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. On dit qu'il a lutté avec qui? Avec Dieu. Tu es sûr, c'est ce qui est écrit là-bas, mon frère. Un homme. Tu vois que je pose la question, tu reprends la compréhension que tu as derrière des CVC. Puisque la Bible déclare là-bas qu'il a lutté, et on dit qu'un homme lutta avec lui. Un homme, parce qu'il avait la forme humaine comme Jacob. Mais continuons la suite. Il le frappa à l'intérieur de la cuisse, et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit: laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Il répondit: je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Donc, tu vois, effectivement, Jacob, en tant que prophète, ne peut pas attendre la bénédiction d'un homme, un être humain normal. Parce que c'est à lui de bénir, parce qu'en tant que prophète. Pas vrai? Donc, ce n'est pas un homme normal ici. Oui, continuons. Il lui demanda: quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Il reprit: on ne te nommera plus Jacob, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Donc finalement, il a lutté avec qui? Avec Dieu. Donc c'était Dieu comme ça. Donc, il donnait le coup de poing, Dieu donnait le coup de poing, et Dieu l'a frappé, Dieu connaît son secret. Voilà. D'accord? Donc ça veut dire que les anges viennent souvent sous la forme des hommes. C'est le même ange qui va apparaître à Marie et à Zacharie. Vous remarquez que la façon dont qu'il apparaît à Zacharie, ce n'est pas la même forme qu'il apparaît à Marie. Je ne parle pas de Hollywood. Il ne parle pas de Hollywood. Donc, puisque pour Marie n'est pas surprenant. Pour Zacharie, il voit effectivement que pour qu'il puisse s'atteindre devant l'autel, il se tient avec une autre forme. Mais chez Marie, il apparaît comme tout un être humain normal. Ne regardez pas le film Hollywood où on vit avec la lumière là. Mais maintenant, regardez bien, ce même ange là va apparaître dans l'Ancien Testament à Daniel. Quand il va apparaître à Daniel, il est gigantesque. Gigantesque. La Bible déclare qu'il apparaît d'un vol d'oiseau, devant Daniel. Quand Daniel le voit, il est tellement terrifié. Grand détail, mais pourtant, quand il apparaît dans le Nouveau Testament, on le voit sur une petite taille comme les êtres humains normaux. Alors, souvenez-vous, les anges peuvent venir vers nous. Utiliser les formes et les couleurs des textures des gens normaux comme nous. S'il vient en Afrique, il peut prendre la forme d'un être humain noir et vous parler. N'essayez pas n'allez pas croire aux gens que non, les anges sont noirs, ils sont bleus, ils sont rouges, ça n'a rien à voir. S'il part en Arabie Saoudite, il peut s'habiller, il sait exactement avec le visage d'un musulman pour que son message passe. S'il parle là-bas, au moins orienté chez les Chinois, il peut apparaître comme le Chinois de Lintou, avec le visage de Lintou. Il parle même le Hinhan, bien même. Mais tu crois que c'est l'être humain normal. Pourtant, c'est un ange. Donc, il faut qu'on fasse attention. Vous voyez pourquoi il faut qu'on exerce l'hospitalité sans murmurer n'importe quoi, sans faire n'importe quoi. Frère. Oui. En fait, c'est qui est venu mélanger tout ça, en fait, dans la pensée de plusieurs, parce que moi aussi, en faisais partie. Ce sont les films, comment on appelle, hollywoodiens, là. Les films nigériens. C'est pour ça qu'il y a regardé dedans où quelqu'un voit quelqu'un sur la route. Ils vont faire de l'argent. Et là, or, c'était une personne de sa famille qui s'est formée pour venir. Il lui a donné son argent. Ne regarde pas, il a fait l'autre, il allait travailler son argent, après, il est devenu pauvre. Frère Iba, frère Kabi, mettez les vidéos. Vous ne mettez pas les vidéos, maintenant, je vais arrêter. Ouvrez les vidéos. Il ne veut pas travailler ainsi. Allumez vos vidéos. J'ai perdu mon foulard. Il n'a pas demandé que tu portes le foulard, il demande de mettre le vidéo. Tu as perdu ton foulard sans le téléphone, non? Il n'y a pas le téléphone à côté. J'ai pas envie de désédifier le téléphone. Bon, sa connexion n'est même pas d'abord bonne. C'est pas exagération, on veut te voir comme ça. Même la vidéo de la de frère Trabi. Non, c'est intéressant. Le frère Trabi c'est éteint. Sa vidéo est éteinte. Ouais. Plus tard, même si vous ne comprenez pas, plus tard vous comprendrez pourquoi vous devez mettre cela. Non. Vous allez vous réunir quelque part, chacun va cacher son visage. La sœur Odile, est-ce qu'elle nous entend? J'ai perdu mon foulard. C'est pas grave, maman. Est-ce que ce soit quelqu'un a exigé le foulard ici? Bonsoir. Ouvre ta vidéo avant de dire bonsoir, ma sœur. Bonsoir. J'ai ouvert, mais je ne sais pas pourquoi ça marche. J'ai ouvert ma vidéo, j'ai déjà ouvert, mais je ne sais pas. La sœur, vous la voyez sur la vidéo? Oui. Ok, vous voyez également le frère. On la voit, mon frère. Même le frère Trabier, il est en vidéo. Donc, ça veut dire que c'est mon vieux ordinateur qui me joue le sale tout alors. J'ai trouvé que ta vidéo qu'on ne voit pas, mon frère. Nous, on voit sa vidéo, on voit tout le monde. On voit tout le monde. On voit la sœur Odile. Oui, frère. Bien on sûr. Voit la sœur Miri. C'est Myriam. Oui. Vous ne me voyez pas? Oui, si, moi, nous on te voit. Le téléphone, c'est pas. Il est là ici. Ok, le frère Trabi. Oui. Donc, cesse de voir le film hollywoodien, d'accord? Oui, ça, il y a longtemps, en fait. Donc, c'est resté dans son esprit, alors. Alors, des questions, ouais. S'il n'y a pas de questions, on prend un thème dans la Bible, on travaille, on développe ce soir-ci, le Seigneur le permet. Oui, mon stylo ici. J'ai une question. Oui, mon cher. Je ne sais pas si elle est pertinente. Mm. Je veux savoir, en fait, frère Junior, si, comment ça s'appelle encore, Ève était la mère de l'humanité. Ève, mère de l'humanité. C'est quoi cette histoire encore avec la connexion ici? Vous m'entendez? Et ici, dans la Bible, je vois que, apparemment, dans la Bible, Ève est la mère de l'humanité. Mais je comprends pas comment ils ont fait pour. C'est pour créer en fait. Ah, le frère Loïc, tu vas reprendre parce que tout à l'heure ma connexion s'est arrêtée. Je crois que vous avez dû constater. Donc, je n'ai pas suivi ton développement. Si tu as posé la question si F est la mère de l'humanité. Oui, c'est ça. Oui. Et tu, apparemment, pendant que ma connexion était coupée, tu disais quelque chose, je n'ai pas suivi. Je demandais par rapport à une certaine médite si elle était mentionnée dans la Bible. Puisque apparemment il y a des gens qui en parlent, qui parlent de la, de, du fait que Lilith était la deuxième femme qui a été créée après, après Eve. Bon, ces gens-là t'ont montré un verset biblique concernant cela. Hein? Non. Ok. Bon, si ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans la Bible, les deux choses l'une. Soit les gens croient à ce qu'ils disent, nous nous croyons la parole. Parce que la Bible déclare qu'on n'ajoute rien à la parole de peur qu'on ne soit déclaré menteur. N'est-ce pas, mon frère? Amen. Amen. Amen. Maintenant, lisons ce que la Bible déclare. Ouvre Genèse chapitre 3. Je suis. Verset 20, qu'est-ce que ça dit? L'homme appela sa femme du nom d'Ève, car elle est devenue la mère de tous les vivants. Bon. Quand la Bible dit comme ça, il faut encore dire quoi donc par la suite? Il faut dire Amen. Ah voilà. Autre question. Donc il faut laisser les panafricanistes cachés avec l'histoire de la religion africaine qui essaie de prendre la Bible en disant qu'on a interprété la Bible à la lumière des traditions africaines en prenant tort les rats et autres là-bas pour essayer de joindre à Jésus-Christ avec Osiris et Isis pour pouvoir dire que c'est des images plagiées. Il faut oublier. En fait, si vous voulez aller dans l'égyptologie, allez-y, vous allez voir, vous allez sortir avec les démons de l'Égypte. En tout cas, Dieu a dit qu'il va verser l'esprit en Égypte pour pouvoir le faire dans la confusion. Et on y est. Donc, soit vous prenez la Bible totalement, ou bien vous refaites les. Si il y a des choses, je les suivais un à un. Les anges noirs, Jésus était noir, les patriots étaient noirs, tout simplement, il n'y a pas de problème. Il continue comme ça. Dieu lui-même est noir, ainsi de suite. L'Afrique ancestrale, c'est Ouassé. C'est pas l'Afrique. Il y a la vraie carte et autres là-bas. Les vrais Africains se trouvent, les vrais Juifs se trouvent au Cameroun. Jésus est né à Yaoundé. Le Christ était originaire de Yaoundé. La tribu de Judas, c'est Yehuda, Yuda, Yad, Yuda. Il n'y a pas de problème. Mais la Bible déclare que la parole tient debout. On ne peut pas aller contre la parole. Des questions. Amen. Mais c'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne suit pas. Je suis tout. Tout ce qui touche à ce qui concerne le Seigneur Jésus. Des questions? Que Jésus, que l'ancien des jours avait les cheveux comme la laine. Quel est le peuple qui a les cheveux comme la laine? Même les Allemands ont les cheveux comme la laine quand ils sont blancs. Voilà, des questions? Bonsoir, la sœur Odile. Bonsoir tout le monde. Bonsoir ma sœur Odile. S'il n'y a pas de questions, je commence à développer un thème. Vous ne m'interrompez pas jusqu'à ce qu'on ait fini. Ou mieux encore, moi, je vous pose des questions bibliques. Si vous êtes d'accord, je vous pose mes questions bibliques et je vous laisse. Souvenez-vous, si je pose des questions, moi je ne répondrai pas, c'est à vous de répondre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, si. Ok. Donc, si vous ne répondez pas maintenant, vous répondez plus tard. Mais n'essayez pas de me poser la même question d'une façon, même si vous passez par les enseignements dans n'importe quel autre groupe, ne croyez pas, vous ne pouvez pas me conseiller, donc je vous connais. Écoutez très attentivement. Vous notez en lisant Matthieu chapitre 1. Et Luc chapitre 3, en lisant Matthieu chapitre 1 et Luc chapitre 3, il ressort de Matthieu chapitre 1 que la lignée de Jésus, la descendante de Jésus selon la chair, passe par Salomon qui est fils de David. Et en lisant le chapitre 3, concernant cette même généalogie de Jésus-Christ, il ressort que il passe par Nathan, fils de David. Un, y a-t-il contradiction? Sinon, qu'est-ce qui est monté dans les deux généalogies? Voilà ma question. Si vous en voulez, j'en pose encore. Oui, s'il vous plaît. Vous avez suivi ma question? Pas complètement. Je recommence encore. En lisant Matthieu chapitre 1 concernant la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ et Luc chapitre 3, la même généalogie répétée là-bas, il ressort que dans Matthieu chapitre 1, le Seigneur Jésus-Christ dans son humanité passe par Salomon, fils de David. Et dans Marc, dans Luc chapitre 3, de cette même généalogie, il ressort que Jésus-Christ serait issu, passant par David, de Nathan, l'un des fils de David. La question numéro 1. Y a-t-il contradiction? Sinon, de quoi est-ce qu'il est question au juste? Que nous révèle donc cette généalogie, ces deux généalogies? Que nous révèle ces deux généalogies? Il y a matière à réfléchir pendant 6 mois. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que je suis en train de lister là-bas. Je ne suis pas encore allé dans la Bible, mais je sais que c'est comme ça que c'est écrit là-bas. Vous avez déjà eu à rencontrer ces choses dans la Bible? Ou bien vous ne lisez même pas les généalogies? Si. Ok. Donc voilà donc la question. Donc je vous donne ça. C'est une question par semaine. Si la semaine prochaine, si on n'a pas encore répondu, enfin, Dieu merci. Je crois que vous êtes trop intelligent et que le Saint-Esprit est avec vous. Vous allez répondre à coup sûr. Et derrière ces questions-là, de ces généalogies, il y en a beaucoup d'autres questions dans cette même généalogie-là. Alors si je crois que la semaine prochaine, plaise au Seigneur, je vous en donnerai encore. Il y en a plein dans les Saintes Écritures comme ça. D'accord. Amen. Bon, je vous donne un subsidiaire. Pourquoi Judas doit-il livrer Jésus sans le trahir? Il faut trahir. Pourquoi Judas doit-il livrer, gardez bien le mot livrer, sans le trahir, ou mieux encore, et non le trahir? Pourquoi doit-il le livrer et non trahir? Voilà. Vous avez noté les questions. Non. S'il n'y a pas de questions, si vous n'avez pas de questions, je fonce dans un thème. J'ai écrit ici thème, j'attends que le thème vienne. Madame Tra, comment vous allez? Très bien, par la grâce du Seigneur. Fais attention à ce que la succession ne vienne pas vite, que ça ne soit pas récurrent, d'accord? Donc il faut beaucoup de maîtrise. Okay. Sinon, on va vous dire que ce n'est pas l'Afrique ici. Vous comprenez ce que vous dites, non? Je comprends. Ok. On comprend. Voilà. Oui. Des questions, ça fait longtemps, on n'avait pas préparé, vous avez suivi les enseignements certainement. Normalement, si vous suivez les enseignements, ça doit normalement vous susciter des questions. Si vous lisez la Bible, vous avez au devoir d'avoir des questions, soit vous vous fâchez de la Bible, ça c'est clair. Donc si vous n'avez pas de questions, soit vous ne lisez pas la Bible, ou vous n'écoutez pas bien l'enseignement. Vous asseyez des questions sur la vie quotidienne. On n'était pas prêt. On n'était pas prêt comment? On ne savait pas qu'il devait appeler aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Non, c'est lui qui ne savait pas, hein, frère. Moi, je ne savais pas, je suis nouveau, donc. Bon, mais de toute façon, nouveau ou pas nouveau, vous avez suivi des enseignements. Depuis le frère Loïc, déjà, comment tu en es venu à connaître Bamba Iba, puisque tu es nouveau, justement? C'est la première fois qu'on parle là, n'est-ce pas? J'ai Internet, en fait. J'écoute vos enseignements depuis plus d'un an déjà. Ok, donc mais tu n'as pas écouté les enseignements qui t'ont énervé? Ou tu as dit que pourquoi le frère Junior dit des choses comme ça? Il y a les enseignements qui m'ont très choqué, mais voilà, c'est la réalité et il faut l'accepter. Mm-hmm. Surtout l'enseignement sur Ève. Les deux semences. Oui. Les deux semences. Mm. Ah, c'était un choc. C'était difficile à accepter, mais bon, au final, tout est clair, quoi. Tout est là devant vos yeux. Tu as passé les jours d'insomnie, tu m'as pas fui comme on a dit qu'il faut fuir, que c'est un sataniste et autres là. Non, je ne fuis pas. Généralement, je prends du recul. Et bon, cette fois-ci, le Seigneur a voulu que voilà, je vous contacte et que j'assiste à vos réunions. Quoi. Mmh. Voilà. Mmh. Ouais. Mais qu'est-ce qui était compliqué dans cet enseignement? Qu'est-ce qui était compliqué? Vous savez tout. Vous avez parlé tellement de choses que... surtout le fait d'imaginer que la femme... a eu ce rapport avec le serpent. Maintenant, on va s'amuser. J'ai même maintenant une vidéo, tu vois, une femme qui couche avec le serpent, l'autre couche avec le cheval. ça, c'est des choses qui existent, ça ne m'étonnerait pas, mais... Non, mais attends d'abord. Tu vois, j'ai juste dit, il y en a pas ces vidéos. Tu vois que j'ai juste dit que je te mets dans une vidéo où la femme couche avec le serpent ou bien avec le cheval. J'ai dit que le jugement, ça existe. Mais pourquoi quand moi, je dis dans l'enseignement qu'elle a couché avec le serpent, encore que ce n'est pas ce serpent-ci, ça vous choque? Pourquoi? Bah, c'est des choses auxquelles on n'était pas habitué à entendre, en fait. C'est des choses qu'on n'écoutait pas, dont personne n'en parlait. Mmh. Et que de voir que vous, aujourd'hui, vous abordez ce sujet-là, c'est un véritable choc, quoi. Mmh. C'est une réalité à laquelle on n'était pas prêt, on va dire. Oui. On n'était pas encore prêt à accepter cela. Et oui, mais... voilà, ça me tombe sur le visage. Et... Mais ce qui est curieux, c'est que quand vous étiez dans le monde, vous disiez d'une jeune fille qu'elle a mangé le fruit défendu, n'est-ce pas? Tout à fait. Quand vous dites d'une jeune fille qu'elle a mangé le fruit défendu, vous faites allusion à quoi? Bon, dans le cas des hommes, ça c'est plus dans le cas des hommes, parce que en général, quand on voit la gorge de l'homme, on se dit que bah c'est en avalant le fruit qui s'est resté au niveau de la gorge. Hein, pour la femme, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile à dire. Donc voilà quoi. La sœur Odie, quand vous disiez souvent que les femmes, que les filles ont mangé, là, vous appelez le fruit défendu, là, vous goûtez au fruit défendu, de quoi est-ce qu'on faisait référence? La connexion n'est pas bonne de ton côté là. On ne t'a pas entendu, ma soeur. Apparemment, la soeur Odie a des soucis avec sa connexion. Mm-hmm. La soeur, tu m'entends? Non, je t'entends très bien. C'est quasi impossible. Je ne sais pas si elle nous entend. Je ne sais pas si vous entendez la même chose que moi, mais c'est quasi impossible. La soeur Odie, si tu nous entends, ta connexion c'est 0 sur 5. 0 sur 5. Je crois que les mêmes compagnies d'électricité qui travaillent ici, travaillent aussi chez vous là-bas. Donc c'est pour ça qu'on a les mêmes difficultés. Donc la soeur, cette expression-ci, cette fille-ci, elle a goûté le fruit défendu. Tu as entendu cela quand tu étais dans le monde? Oui, oui. On faisait référence à quoi? Mon frère, en réalité, ce que tu as parlé dans l'enseignement, on le dit dans le monde, mais c'est juste qu'on ne veut pas accepter. Parce que quand on dit à goûter au fruit défendu, on parle du sexe. C'est ça. Donc, on sait que le fruit défendu, oui. C'est ça. Mais dans ce cas, d'où vient-il que dans le monde, on parle du sexe en disant, en utilisant ce langage, dans le monde, alors qu'ils ne lisent pas la Bible? Comment ils vont pouvoir voir cela? Mon frère, le diable là, il connaît. C'est lui qui a mis sa main. Le frère Frédéric Maillot, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère, bonsoir tout le monde. Je te vois jeter un dernier coup d'œil sur ton cahier. Tu veux me bombarder avec les questions ce soir encore? Ça va. J'ai une question. Oui. Alors, comme tu venais d'arriver, je crois que tu n'as pas suivi la question qu'on a dite là, que j'ai donnée. Je crois que la sœur va nous taper ça dans le forum, comme ça, ceux et celles qui ne sont pas là vont lire la question pour y travailler. Oui, pose la question. D'accord. C'est dans le livre de Genèse. Dans Genèse 1, versets 27 et 28. Et Dieu créa l'homme. Oui. Et Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, et il le créa mâle. Oui. Il s'est à terre, il assujettissait, il dominait sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Oui. Est-ce qu'il y a deux récits de la création, en fait, à partir de ces deux versets-là? C'est ce que tu dis, ou bien tu poses la question. Écrivez à vos frères Ali Diarra des régions. Écrivez à Ali Diarra des régions, juste le forum, qui ne passe pas le temps. Quand il appelle, il perturbe la connexion ici. Donc, il n'a pas, sa connexion est instable où il sort. Donc, demandez-lui tout simplement de se reconnecter dans le forum, de rejoindre, de cliquer sur l'anglais droit, rejoindre le forum, le groupe. Donc, écrivez-lui, s'il vous plaît. Alors, mon frère, tu dis que d'après ce que tu as dit, là, il est question des deux créations. C'est la question que tu poses ou quoi? Oui. Où est-ce que tu as vu deux créations alors? Nulle part, parce qu'il y a un texte du haut verset 1 qui parle de la création, il y a le même texte au verset 2. Oui. Mais c'est le même texte. Tu as vu quoi? C'est le même texte. Non, ce n'est pas le même texte. C'est pas le même texte. Mais qu'est-ce qu'on dit? Mais ça parle de la même création. Ok, bon. Maintenant, on va aller doucement. Parce que tu as nous dit que ça parle de la même création. Au verset 27 et 28 des chapitres 1 que tu as lu, on parle de quoi? De l'homme. On parlait de quoi? Dieu créa l'homme. Il créa l'homme. Dans le verset 7 du chapitre 2, on dit quoi? C'est Dieu, et Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu et il les créa mâle et femelle. Non, c'est au verset 27 et 28. Mais au verset 7, verset 7 du chapitre 2, qu'est-ce qu'on dit? Le verset 27. Non, le verset 7, c'est à lui que je pose la question. Je veux qu'il comprenne par rapport, parce qu'il a dit que c'est de la même création dans les questions. Je veux qu'il utilise. Il est où le frère Frédéric là? Ici, là, j'entends. Dans le chapitre 1, il est question de la création. On dit Dieu créa l'homme à son image. Comme tu vois, souligne le verbe créer. Souligne créer. D'accord? Oui. Mm-hmm. Maintenant, au chapitre 2, verset 7, il est question de quoi? On dit Dieu. Formé. Souligne formé. Dans le verbe écrit en hébreu, le verbe en hébreu, là, c'est bara, pour ce qui est là, ce verbe créer. D'accord. Pour le chapitre 2, il est question de yatsra. Le verbe en hébreu yatsra, ça veut dire façonner, structurer. D'accord. Mouler. Oui. Voilà. Alors que là-bas, créer, là-bas, il crée par le pouvoir de la parole. Ici, on dit créer, il prie telle chose pour le faire. D'accord. Merci. Voilà. Des questions? Oui. Vous avez encore en parti, fait, vous voir plus, vous avez encore coupé votre connexion, votre vidéo, ou bien? Okay, non, c'est voilà. Toujours ouvert, en fait c'est la connexion. Ok. Oui mon frère, pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé dans la prison avec Pierre? J'étais là-bas avec lui. Non, il y a eu quelque chose évidemment qui s'est passé dans la prison. Tu veux quoi que j'étais là-bas en esprit, mon frère? Tu parles de quelle prison même déjà? Prison sans nous délivrer, peut-être. Oui, il y a eu tremblement de terre là-bas. Mais est-ce que Pierre était dans une prison, il y a eu tremblement de terre? Dans Actes chapitre 16, il est question de Paul et Silas qui étaient en prison. À Philippe, n'est-ce pas mon frère? C'est de ça dont tu parles, de Actes chapitre 16, où le geôlier s'est converti. Non, c'est pas ça. Mais est-ce qu'il y a deux tremblements de terre dans une prison dans la Bible hein? Ou bien peut-être tu as notre version biblique maintenant qui est nouvelle. L'apôtre Pierre a été en prison au chapitre 4, au chapitre 5 des Actes des Apôtres. Au chapitre 16, il est question de Paul et Silas. C'est à chapitre 16 qu'il louait le Seigneur et puis le lieu a tremblé, la prison a tremblé, le geôlier a voulu se tuer. C'est de lui dont il est question. En tout cas, que sa prison tremble ou ça ne tremble pas, qu'il est dans la prison, qu'est-ce que tu voulais savoir? C'est dans le chapitre 12 là. La Bible déclare là-bas qu'il était enchaîné. L'ange est entré, il a touché la côte, la chaîne est tombée de ses mains. Il a dit, lève ta porte, t'es saoulé. Quand ils sont sortis, et puis arrivé quelque part, il a vu quelqu'un qui rêvait. C'est ce qui est écrit là-bas. Parce qu'on avait tué Jacques, et voyant que cela plaisait aux Juifs, il a mis là l'apôtre Paul, Pierre, en prison, attendant que la fête passe pour qu'il le livre. Oui, est-ce que la prison a tremblé? Bon, fais encore la combinaison, réfléchis encore sur la question. Des questions? Je peux poser une question, mon frère? Oui, pose la question, ma soeur. Ça, c'est règne cette fois-ci. Je note tous vos noms avec vos questions. Après, je les garde ici en plein. Même si des années, vous dites que vous n'avez pas posé la question. Là, c'est écrit. Oui. J'avais même déjà posé cette question, non? Comment est-ce qu'on honore son père et sa mère? Mmh. Fred, tu as la question. Vous avez la question, vous. Puisque vous êtes des enfants des gens, comment vous aimerez vos pères? Ouvrez un chapitre de 3. Je crois qu'il va aider le frère Trabi à répondre à cette question. Est-ce que le frère Loïc est marié? Non, non, non. Ok, donc c'est bon. Tu as espoir à esquiver à ça maintenant. Pas de problème. 1 Pierre chapitre 3. Le frère Trabi lit le verset 7 du chapitre 3 de 1 Pierre. Pierre chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Voilà, donc ça c'est un ordre pour les hommes, n'est-ce pas? Oui. Et c'est que la question qui va être posée maintenant, ta femme sera contente. Dis-nous comment tu honores ta femme. En fait, en tout cas, elle est assise à côté de toi. Je ne l'écrase pas. Elle est assise à côté de toi. Oui. Donc, si tu dis quelque chose, tu dégames, elle va nous dire là maintenant, en direct, on vous voit. En fait, je ne l'écrase pas, je ne la marginalise pas. Je lui offre des cadeaux. Oui. Je la reprends quand elle fait des erreurs. Mmh. Ouais. C'est ça, honoré. Ouais, pour ma part, c'est comme ça, moi, j'agis. Hein. Elle a peur. Donc, quand tu fais comme ça, tu sais que tu as envie de l'honorer. Oui, oui. Oui. Ouvre le livre d'Esther. Notez Exode chapitre 20, verset 12. Exode chapitre 20, verset 12, puisque la sœur a dit sa question est là. De le verset 12 d'Exode. Notez, il vous donne des versets. Esther, vous y êtes? Mes frères, vous êtes avec moi? Oui. Ok, vous avez noté Exode chapitre 12, chapitre 20, verset 12. Maintenant, notez le livre d'Esther. Ouvrez le chapitre 6. Nous allons lire les versets 6 jusqu'au verset 11 d'abord. Esther chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 11. Haman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier derrière lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Haman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria derrière lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Voilà, stop. Donc nous voyons dans la pratique pour ce que quand quelqu'un veut honorer le, quand le roi veut honorer quelqu'un, c'est comme ça qu'il pratique, pas vrai, mes frères? Ma sœur est en train de nous écouter. J'écoute mon frère, j'écoute. Voilà. Donc, le frère Tabi, je repose la question que j'ai posée ici tout à l'heure. Frère Tabi, comment honores-tu ta femme? Moi, je dis, quotidiennement, ce que je fais, je lui offre des présents. Je ne la marginalise pas. Je la rabaisse pas, en fait. Donc, tu l'honores en n'est pas là en rabaissant, quoi. C'est une bonne pratique, ça. D'accord, mon frère? Donc, tu l'honores en n'est pas là à rabaisser. Ça, c'est la pratique. Mais je la loue aussi, en fait. Donc, tu l'as comme ça, tu dis que Madame Tra, Madame Tra, Madame Tra, Madame Tra. Non. Tu la loues comment? Comment tu la loues alors? Exact. Vous savez, quand je pose cette question, c'est pourquoi on sache la pratique des choses dont la Bible dit. Parce que dans cet Exode chapitre 20, verset 12, la Bible déclare « Honore ton père et ta mère ». La sœur pose la question, c'est quoi honorer? On honore donc comment? Il s'en est de prendre, il veut toucher le cas des rois, on a touché le cas des rois maintenant dans le cas d'Esther. Où effectivement le mot honorer revient lorsqu'on exige à l'homme d'honorer sa femme. Oui, on va voir dans la pratique maintenant comment honorer aussi Dieu. D'accord, mes frères? Ok. Malachie chapitre 1. Tu as entendu un matin que ton mari se réveille et s'est commencé à chanter tes cantiques. J'étais loup, j'étais loup, j'étais loup. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est ce qu'il a dit, non? Il a dit tout à l'heure qu'il te loue, il te loue. Oui. En termes de. Par exemple, il dit souvent les qualités, il dit souvent les choses qui sont bien, qui sont louables. Et ce qu'il n'aime pas louable aussi, il le dit. Malachie chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Voilà. Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Voilà. Dit le Seigneur des armées. Donc, Dieu dit que s'il est père, où est l'honneur qui lui est dû, n'est-ce pas? On doit l'honorer comme père. Et on doit le craindre comme Dieu, comme Seigneur. Pas vrai? Où est la différence, n'est-ce pas? En tant que père, on doit l'honorer. En tant que maître, on doit le craindre. Parce que normalement, on ne craint pas son père, on doit l'honorer. Oui, mes frères. Chapitre 3, verset 6 de ce même livre de Malachie. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Chapitre 3 de Malachie, verset 6, lit, continue. Verset 7 maintenant. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Voilà. Un homme tombe-t-il Dieu? C'est bon, verset 16 maintenant. Verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, on craint l'Éternel, on honore son nom. D'accord. Dans le livre des Jean, chapitre 8, verset 49, Jésus dit que je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Alors, dans ce livre de Jean, chapitre 8, là, Jean, chapitre 8, qui vient de citer, Jean, chapitre 8, verset 49. Parce que les Juifs avaient dit qu'il est un démon, on a vraiment dit que tu es un démon et tu es un Samaritain. N'est-ce pas, la sœur Myriam? Oui, n'est-ce pas? Elle voulait manger, elle dit qu'elle n'a pas le foulard. Parce qu'elle n'a pas le foulard. Verset 49 de Jean, chapitre 8. Qu'est-ce que ça dit? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Sur ce plan-là, observons Jésus. Parce que dans Malachie chapitre 3, qu'on a lu là, le chapitre 1, qu'on a lu, on voit effectivement comment Dieu pose la question aux Juifs que s'il est le Père, où est donc l'honneur qui lui est dit en tant que Père? Ici, Jésus dit lui, il honore donc son Père et on l'outrage. On dit qu'il a un démon. La question c'est, comment Jésus honorait-il le Père? Il honorait en faisant sa volonté. Vous voyez, ça commence à ressortir là maintenant. Donc, ça veut dire qu'en faisant sa volonté, donc en faisant la volonté de ton Père, tu l'honores, pas vrai? Maintenant, dans ce Matthieu, dans Exode chapitre 20, verset 12, où le commandement est tiré concernant l'honneur de son père, son parent, c'est réitéré dans le livre d'Hébreu, enfin, Éphésiens chapitre 6, verset 1 et 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse. Vous voyez cela? Mais là, vous remarquez que dans le Nouveau Testament, on a ajouté selon le Seigneur. Ouvrez je crois que j'ai cité Exode chapitre 20, tout à l'heure, verset 12. Maintenant, ouvrez maintenant Exode chapitre Éphésiens chapitre 6, verset 1. Dans Jean 4, pendant qu'on a cité, je cite des versets. Dans Jean chapitre 4, verset 44, Jésus dit qu'aucun prophète n'est honoré lui-même dans sa propre patrie. Il n'est pas honoré. Comment est-ce qu'on honore le prophète? Pour que le prophète soit honoré dans sa patrie, comment est-ce qu'on doit l'honorer? Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 1 et 2. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Stop. Donc, vous voyez effectivement que l'apôtre Paul est en train de vouloir extrapoler ou mieux encore interpréter le commandement d'Exode chapitre 10, 20, verset 12. Qu'est-ce qu'il va dire? Continue, mon frère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Oui. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Stoppons là-bas. Donc, le premier commandement, c'est quoi? Honorer les parents. Honorer les parents. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu est passé par eux pour pouvoir te faire venir sur la terre. Mais pourquoi dans ce cas, eux pouvaient mettre ça au deuxième commandement? Oui, parce que... Parce que Dieu amène ton autre père. Exactement. Et c'est l'une des premières autorités là-bas, l'autorité parentale. C'est la première autorité. Quand vous venez sur la terre, la première autorité que vous devez laisser, la première autorité que vous devez respecter, c'est l'autorité parentale. Les autres, l'autorité des publics, la mairie, tous les autres là, viennent par la suite. La première autorité, c'est parentale. Donc, ceci montre clairement que l'image, je crois qu'on va venir dans notre enseignement, je ne sais pas si c'est avec vous ou dans notre cas, l'autorité parentale ou bien l'image d'un père, ou bien un père selon la Bible, pour voir de quoi il est question. Parce que dans l'image du Père, comme vous voyez, comme Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 49, qu'on a cité tout à l'heure là, que j'honore mon Père et vous m'outragez. Donc vous voyez effectivement que dans l'image du Père, Dieu a implémenté, et dans les enseignements, il dit chaque fois que les juges, par exemple, portent les attributs de Dieu. Dans l'attribut du Père que Dieu donne à un être humain, c'est une grâce d'être Père d'abord. Et quand vous êtes Père, vous portez une image ou bien un attribut du Père céleste. Remarquez bien dans Luc chapitre 11, quand le Seigneur Jésus va dire que si qui parmi vous peut donner du serpent à son enfant, s'il lui demande du poisson. Et sinon, méchant quand vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Comment au plus fort raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui, le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Donc, par ces paroles-là, il montre clairement que le Père terrestre est l'image du Père Céleste. Et par conséquent, la relation de paternité qui lie le papa ici avec son fils ici, c'est l'image que lie le papa céleste, le père céleste avec ses enfants sur la terre. Cette relation-là, ce n'est pas une relation de peur, ni une relation de tremblement, ni une relation de violence. C'est une relation d'entente, de soumission à l'une des autorités, à celui qui t'a engendré. Amen. Vous suivez, n'est-ce pas? Et donc maintenant, nous commençons à comprendre que honore ton père et ta mère veut dire clairement parce que l'apôtre Paul a interprété ceci dans le verset 1. Il a dit quoi? Enfant, obéissez à vos parents. Donc il interprète ce que le commandement de dire. Parce qu'il dit parce que le premier commandement c'est honore ton père. Donc obéissez-le selon le Seigneur. Mais là, je suis d'arriver. Je crois que la sœur Anne, la dernière fois là, je voulais renvoyer cela pour que vous travaillez bien là-dessus, mais vous me poussez. Il y a au moins 50 de versets maintenant qui veut commencer à vous donner concernant ce sujet. Et donc vous voyez que dans ce livre des vieux, Éphésiens chapitre 6, il dit enfant, obéissez à vos parents. Maintenant, si ça arrête là-bas, on a un problème. Parce que maintenant, il se trouve que dans la nouvelle alliance, Jésus avait dit qu'il est venu mettre la division entre le père et la mère, entre les fils et les petits et les enfants. Vous voyez, il y a un problème ici. Et la prophétie biblique dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est terrible. Tu peux avancer là? Amen. Il faut que je vienne à cet enseignement là rapidement sur le père terrestre. Alors, donc vous voyez effectivement que le Saint-Esprit ajoute selon le Seigneur. Or, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, honore ton père et ta mère. Remarquez très attentivement comment le livre, tout à l'heure nous avons lu, quand nous lisons le cadre de Luc, de l'ange dont le frère nous a posé en première partie, nous avons vu que les deux hommes qui sont arrivés à Sodome, les deux anges qui sont arrivés au Sodome sur le soir, quand ils vont entrer dans la maison, les gens ont parti verset 5 du chapitre 19. Je ne sais pas si je vais vite. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui, voilà. Donc les gens, les deux anges qui vont arriver, les hommes de Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare des enfants jusqu'aux vieillards vont venir pour demander de faire sortir les hommes qui sont entrés ici afin que nous les connaissions. La Bible déclare que l'apôtre, enfin, l'autre, le juste, avait deux filles qui n'avaient point connu de femme. N'est-ce pas? Ils ont dit à ces gens-là, ne faites pas de mal à ces hommes, c'est car ils sont venus sous mon toit. J'ai ici deux femmes qui n'ont point connu de femme. Je vais les faire sortir et vous allez faire de ce que vous voulez. Vous remarquez comment un parent peut arriver au point de livrer ses filles à la vindique, aux vindiques populaires. Vous voyez le viol collectif qu'on pouvait faire à ces enfants-là. Alors, je vous pose la question, vous, en tant que femme qui m'écoutez maintenant, regardez-moi bien dans les yeux. Si votre mère et votre soeur, ou bien votre mère, vous dit d'aller coucher avec un homme pour que le bien familial soit préservé, vous faites quoi? Personne ne parle. Angelina avait un grand M. Elle a mère. Myriam ferait comment? Tu vas aller. Mais c'est ce que j'ai entendu. Ah, il dit, est-ce qu'il y a Mireille ici ce soir? Il dit Myriam dira quoi? Non, non, non, non, je ne parle pas. La soeur aussi fera comment? Je refuse poliment. Tu refuses poliment? Que tata maman, poliment. Tata maman, je n'ai pas pas. Je ne peux pas partir. Mon Dieu va me battre de pas. Oui, mais il dit que Dieu a dit qu'honore ton père et ta mère. Tu me déshonores dans la maison. Si tu es toujours têtu. Non, il a dit que tu dois d'abord aimer Dieu de ton père aussi. Non, ta mère ne dit pas qu'il t'a demandé de l'aimer. Il a dit que tu vas faire ce qu'il a à faire. Parce que le commandement, ce n'est pas d'aimer ton père et ta mère. Il est question d'honorer. Et honorer, ça veut dire que la peuple a interprété que honorer, ça veut dire que c'est soumettre ou mieux encore lui obéir. La soeur Audrey, tu feras quoi? Enfin, je crois que sa connexion n'est pas bonne. Je crois que comme sa connexion n'est pas bonne, je suis sûr qu'elle va accepter pour aller faire cela. Tu ne l'as pas fait. Alors, je pose la question. Sur quelle base vous refuserez à votre maman ou bien à votre papa qui dit par exemple que depuis que tu grandis dans cette maison, c'est le fait que vous nourris, tu as atteint l'âge de mariage, tu ne peux même pas aller marier. Il y a des filles d'ailleurs qui sont allées en Europe avec leur corps, elles donnent leur corps aux hommes, ça ne finit pas, ton corps ne finit pas. Tu travailles, tu construis l'immeuble ici, tu marches une voiture et puis par la suite tu peux même te marier. Il y a des parents qui font ça à leur maman, puis à leurs enfants. Enfin, d'autres, la majorité d'entre vous qui êtes en Europe, vous envoyez l'argent sur le pays venant de ces sources-là, que les parents vous encouragent. Alors je pose la question, sur quelle base? Qu'est-ce qui va vous donner l'autorité de refuser cela de votre parent? Pourtant, ils ont donné une volonté. C'est parce que c'est aux femmes, non? Attends, c'est aux femmes. Toi, tu es une femme. Où est ta femme? Oui, mais les soeurs. Elle est descendue. Ok. La soeur Reine, la soeur Myriam, je vous écoute. La parole de Dieu, je vais... Oui, la parole de Dieu, Dieu dit que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, parce que Dieu est le premier, Et à Exode, il a dit que tu n'auras pas de Dieu devant moi. Donc, Est-ce que la maman a dit que tu l'adores? La maman a dit que tu fais telle ou telle chose. La sœur Suzanne Clodon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Julio. Qu'est-ce que tu feras bonsoir. Ma sœur? Désolé pour le retard. Non, non, tu n'es pas en retard. Tu es venu à l'église en retard à l'heure. Dis-nous, tu feras quoi si ta maman et ton papa te demandent de le faire? Tu as suivi la question, n'est-ce pas? Oui, je suis. Tu feras quoi? Ah. Ah, comment? Non, non, je... moi, non, non, non, non, c'est pas possible. Moi, déjà, par réflexe, je vais demander la direction au Seigneur. Non, non, d'abord. Non, doucement. Allons-y, on va aller doucement. Tu as en face de toi ta maman qui te dit je veux que voici un homme qui te drague depuis, elle vient à la maison, ils font que venir, te tourne. Couche avec lui, tu prends son argent pour qu'on vive, on sorte de la pauvreté. Qu'est-ce que tu fais? C'est un péché ça déjà, non? Non mais attends, la Bible déclare honore ton père et ta mère. Non, non, pas l'autre là mon frère. Sur quelle base donc, qu'est-ce que bibliquement, je vous pose la question pour que vous me répondez avec la Bible. Est-ce que la Bible vous donne le droit de refuser? Oui. Qu'est-ce qu'Emmanuel Yoba fera? Emmanuel Yoba, bonsoir et bienvenue. Tu as bien écouté la question, n'est-ce pas? Je crois que tu parles loin du micro. Oui, c'est les écouteurs, certainement. Oui, allô? Oui, on t'écoute maintenant. Tu as suivi les questions, n'est-ce pas? Pas toutes les questions. Donc, la question principale ici, c'est la Bible. La sœur nous a posé la question. Que veut dire honorer son père et sa mère? Selon Exode chapitre 20, verset 12, nous sommes allés les sillonner tout au long là pour saigner la quintessence du message qui est contenu dans Exode chapitre 20, verset 12, dont on donne le commandement aux enfants. Et on se rend compte que certains commandements de parents sont donnés aux enfants qui sont totalement contraires à la volonté de Dieu et peuvent nous pousser dans le péché. Et dans ce cas, je dis donc, si vous êtes en face de votre parent et qui vous pose des têtes problématiques, qu'est-ce que vous allez faire? Honorerez-vous votre parent toujours en faisant ce qu'il a dit, nonobstant le fait que ce soit le péché? Pour moi, non, parce que on doit les obéir dans le Seigneur. Donc, voilà. Dans le Seigneur, pourquoi? Est-ce qu'il y a un verset qui le dit? Je vais chercher. Ouais, cherche. Dans l'Ancien Testament, oui. Le temps que tu fouilles ton dictionnaire spirituel, on continue maintenant. Emmanuel Frédéric Maillot. Dis-nous, tu feras quelque chose comme ça? Oui. Non. Pourquoi? Dans Ephésiens 6, verset 1, il déclare enfant, obéissant vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Voilà. Explique-nous. La Bible vient dire selon le Seigneur. Selon le Seigneur, ça dit quoi? C'est la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Si c'est que l'on me demande de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, je refuse. Dans ce cas, tu n'auras pas désobéi à ses parents, à tes parents, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'une fois de plus, souvenez-vous que il faut honorer en même temps Dieu et en même temps ton père. Et l'autorité parentale que Dieu a octroyée à ton père n'est pas au-dessus de l'autorité que Dieu a donnée. C'est exactement comme le cadre du mariage aussi. On va y revenir. D'accord? Prenons psaume 49, verset 12. Comme j'ai obéi à Dieu que ça. Psaume 49, verset 12. Préparez aussi Proverbe, chapitre 3, verset 9. Ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez que petit à petit, les questions sont allées sortir, non? Donc, jusqu'ici, on a compris que honorer son père et sa mère veut dire qu'on honorer, ça veut dire qu'on lui obéisse. Mais le Saint-Esprit a mis la restriction, sachant effectivement ce que la perversion qui arrive dans le monde avec l'esprit des grâces qui devait être sur la terre de la période de la grâce, avec les désirs pernicieux des parents et des parents pécheurs qui pourraient pousser les enfants dans le péché contre le Seigneur en mettant la restriction selon le Seigneur. En mettant la restriction selon le Seigneur. N'est-ce pas, mes soeurs et frères? Amen. Dans le psaume 49, verset 12, qu'est-ce que ça dit? Personne ne veut lire aussi? Je vais lire. Alors, psaume 49, au chef des chantres, verset 12, fils de verset 12, verset 12. Vous aurez le temps de lire tout ce que vous parlez du méchant, oui. Pardon. Alors, verset 12. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Donc, vous voyez, effectivement, voilà. Donc, on parle ici des injustes et des méchants qui prospèrent sur la terre. On dit qu'ils pensent que, comme leurs noms sont, vous entendez les grands dont on parle sur la terre, comment leurs noms sont honorés. Et, souvenez-vous, nous avons lu le livre d'Esther au chapitre 6, verset 6 à 11. On a dit, le roi de Badaman, qu'est-ce que le roi peut faire lorsqu'il veut honorer un homme? Vous voyez qu'honorer un homme, ça ne veut pas dire ici. Je vais prendre les différentes facettes pour que vous voyez comment on utilise ce mot-là dans la Bible. Donc, vous voyez que le cas d'Aman ici, et Dieu, et le roi lui a dit que, ok, le garçon qu'on appelle Mardoché, là, va faire exactement ce que Dieu a dit comme ça. Et le but était d'honorer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, là, ce n'est pas lui obéir. Ça ne veut pas dire ici, honorer ne veut pas dire obéir. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est de magnifier la personne aux yeux des autres. Élever la personne aux yeux des autres. D'accord? Dans ce cas, dans le cas d'Esther ici. Et donc ici, mot pour honorer ici, un des versets rejoint ici dans le livre des psaumes 49, verset 12, où on parle des noms des gens qui sont honorés. Vous remarquez bien, très bien que dans le monde, on ne parlera pas d'un quelqu'un de junior comme ça là, dans le monde, jamais. Parce que tu es qui ici dehors? Vous voyez cela? Mais on parlera par exemple de Bill Gates, des grands noms tels que le roi Mohamed V, ainsi de suite, des riches sur de la terre. Vous connaissez tous les noms. Le Mark Zuckerberg, ainsi de suite. On dit, ouais, les voilà, leurs noms sont honorés sur la terre. N'est-ce pas, mes frères? Or, pourtant, on n'obéit pas à leur nom. Chapitre 3, verset 9 des Proverbes. Donc, notez chapitre 3, verset 9 et comparez cela avec chapitre 9, verset 31 des Jean. Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de toutes tes récoltes. Alors tes granges seront remplies d'abondance et tes cuves déborderont de vin. Ne rejette pas, mon fils, l'instruction du Seigneur et ne prends pas ses avertissements en horreur, car le Seigneur avertit celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il agrée. Voilà. Le verset 9 dit quoi encore? Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de toutes tes récoltes. Voilà. Donc ça veut dire qu'en donnant, d'après ce qu'il écrit dans le Proverbe, en donnant c'est bien au Seigneur et les premiers de ses récoltes, on honore comme ça Dieu. Maintenant, chapitre 9, verset 31 des Jean. Rapidement, comme ça, on sort de cette question-là. Pas étonnant que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 23, que afin que tous honorent le Fils comme on honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Oui, je dis quel livre Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là l'entend. Celui-là, il l'entend. Voilà. Donc, là, vous devez poser la question maintenant, comment honorer Dieu et ramener ça sur vous-même en disant, comment est-ce que je dois honorer Dieu? Là, ça vous amène dans une relation profonde avec le Seigneur, vous deux seulement. Vous voyez, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 13, que le Seigneur a repris dans le livre de Matthieu, chapitre 15 et Marc, chapitre 7. Il dit, quand ce peuple-ci s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, on peut honorer quelqu'un. Waouh, on te lève, on dit que waouh, la sœur-ci, élever mais le cœur, exactement comme le cas du mariage dont je t'en ai parlé dans Marc, dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7 tout à l'heure, là, que le frère a lu. On dit, Marie, honorez-les comme un sexe faible, comme devant en hérité avec vous. La soeur et le frère dit que non, il honore. Donc vous pouvez vraiment honorer, comme pour le cas de Dieu ici, où les gens honorent avec les lèvres. Donc, vous voyez, les gens chantent pour Dieu, le cœur est éloigné. C'est pas étonnant qu'il a posé la question dans le livre de Malachie chapitre 1 tout à l'heure, que si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc ça dit qu'il pouvait dire que non, nous sommes notre père. Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Leurs actions montraient clairement qu'ils n'avaient pas peur de lui. Amen. Amen. Oui. Voilà, donc je crois que c'est bon, n'est-ce pas, ma soeur? Amen. Amen. Merci, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Des questions? Mon frère, oui, mon frère. Je voulais juste permets-moi de te rappeler une question que je t'avais posée quand tu étais en Europe. Oui. Et lors d'un enseignement, mais je pense que tu n'avais pas eu le temps, pris le temps de répondre. Il s'agissait des Kedah. Non, ça, tu avais répondu. J'ai répondu cela. Tu es sûr, j'avais appelé à répondre cela. Nous étions en Belgique. Tu étais en train de te couper de l'enfant en bas. Et puis, poser la question. Oui, la soeur, on aurait dû répondre à cette question-là. Et puis, oui, ma soeur. Oui, c'est miséricorde. C'est quoi être miséricorde? Bonne question. C'est quoi la miséricorde? Soyez donc miséricordieux comme votre Père Céleste aussi est miséricordieux. C'est quoi? Voilà les petits mots de la Bible comme la sœur a posé la question par rapport à honorer. C'est quoi honorer son Père? C'est quoi être miséricordieux? Ouvrons le livre de Matthieu, chapitre 5 déjà. Dans le nom, ça c'est la sœur. C'est Suzanne Claudon. Voilà. Vous y êtes. Pardon, tu peux répéter le chapitre, s'il te plaît, mon frère. Chapitre 5. Ok, merci. Notez aussi Romains chapitre 9. Il y a déjà à partir du verset 1. Voyant les foules, il monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit. Oui. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Romains, chapitre 9. Vous avez heureux des miséricordieux. Oui, oui, verset 7. Encore, relis avant de passer. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans son verset à lui, il a dit compatissant, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Mais c'est quoi être compatissant? Alors, avoir la compassion, c'est pour quelqu'un, c'est pas loin de la pitié, je crois. La pitié, hein. Avoir de l'amour pour elle. Donc, quand quelqu'un te fait du mal, tu dis que j'ai pitié de toi, franchement. C'est tes gifles, tu as de la compassion pour lui, quoi. C'est de l'amour. Avoir de la peine. Non, de l'amour, avoir de... J'ai compassion pour cette personne, j'ai de la peine. En tout cas, je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi ces choses sont difficiles de définir? En réalité, c'est parce que ce sont des... Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous lisez la Bible, vous êtes amusé en trouvant ces mots dans la Bible. Regardez très attentivement. Si vous lisez les Saintes Écritures de la partie hébraïque, vous allez remarquer que le mot miséricorde qu'on a traduit en français, on traduit naturellement en français. Vous allez voir que tantôt c'est chesed en hébreu, dans d'autres endroits c'est rakoum. Mais en français, vous voyez tout cela, c'est miséricorde. Vous voyez, par exemple, on dit par exemple que sa miséricorde Dieu a toujours. Maintenant, tu dis que la miséricorde là-bas, c'est le pitié. Donc, ça veut dire que la pitié de Dieu a toujours. Maintenant, vous allez lire le livre des Romains, chapitre 9, comme on va lire tout à l'heure. Il dit que j'ai fait miséricorde à qui je fais miséricorde. J'en dis qui je veux. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible déclare que soyez miséricordieux. Vous allez remarquer, Adam, finalement, que la miséricorde peut vouloir dire la compassion, peut vouloir dire la bonté, la fidélité. Dans un certain sens, ça peut vouloir dire l'amour. Ça peut vouloir dire aussi la longanimité. Donc, en réalité, la difficulté que prône cette définition de mots, c'est parce que ce sont des attributs de Dieu. Et donc, de ces attributs, de là émanent des lumières que Dieu désire faire donner aux hommes pour que les hommes puissent profiter de cette lumière-là et manifester ces désirs-là vis-à-vis des autres. C'est pour ça que c'est difficile. En réalité, maintenant, je vous demande maintenant, par exemple, pour vous comprendre ce que je veux dire. Que veut dire amour? Un Corinthien. Non, il n'y a pas de que où est-ce que ça se trouve l'amour? Il dit que qu'est-ce que ça veut dire? L'amour, ça veut dire quoi? Que veut dire l'amour? Parce que il parle cela en prélude de ce que tu as dit ici par rapport à la miséricorde. Je vais vous montrer quelque chose qui se trouve dans les Saintes Écritures. L'amour, oui. Effectivement, l'amour peut regrouper ces groupes de mots qu'on a dit tout à l'heure, notamment l'amour, c'est la compassion, c'est la... Attends. Là, ce sont des synonymes, ou mieux encore des tentatives de synonymes. Mm. Mais il dit que l'amour, en clair, c'est quoi? C'est avoir de l'affection pour quelqu'un. Donc, s'il y a l'affection pour quelqu'un, on dit que je l'aime. Oui, affection. L'amour... c'est d'accepter. Attendez, laissez-moi causer avec Myriam. La sœur Myriam. Oui, oui. Un homme t'a-t-il trompé dans la vie? Un garçon m'a trompé. Oui. Non, c'est vrai qu'il... Je vais poser la question autrement. As-tu déjà eu une déception amoureuse? Oui. Laissez-moi causer avec elle. Moi, je me trompe. C'est elle qui trompe plutôt, hein? Bon, j'ai jamais découvert, mais j'ai été déçu autrement. Attends, tu as été déçu. Autre chose. Non, pas dans le cadre de l'amour, des relations entre les garçons. Ah, ok. C'est de ça dont je parle. Je veux qu'on comprenne quelque chose. Je recommence dans ma question. Est-ce que un garçon a déjà eu à te tromper ou bien à te décevoir? On appelle ça la déception amoureuse. Oui, un garçon a déjà eu à me décevoir. Au moins un, n'est-ce pas? Cette fois-ci, au moins un. Oui, au moins. Parce qu'ils sont normalement nombreux, pas vrai? Parce qu'on va prendre un cas, on va prendre un cas d'échantillon et on prend un. Voilà. Avant qu'il ne te déçoive, au préalable, comment est-ce que vous vous comportiez? Vous disiez que vous étiez amoureux. C'était toi, mon frère. On disait qu'on était mon pied, ton pied. Mon pied, ton pied. C'est-à-dire que vous êtes tellement lié par l'amour, pas vrai? Oui. La fidélité, quoi. La fidélité. Voilà. Ouais. Donc, et quand vous vous regardez souvent dans les yeux, quand il disait que bébé, je t'aime, toi-même, tu retorquais quoi? Moi aussi. Que toi aussi, tu l'aimes. Donc, tu attendais toujours qu'il dise avant que tu dises quoi? Parfois. Des fois, je pouvais aussi commencer, quoi. Tu commençais aussi, tu essayais de dire que tu l'aimes. Maintenant, je veux que tu me dises, ou bien que tu nous dises ce soir, tu l'aimais? Oui, il y avait de l'affection. Donc, tu avais plutôt de l'affection pour lui? Oui. Mais pourtant, tu disais, quand il disait que je t'aime, tu ne dis pas que j'ai de l'affection pour toi. Tu disais, quand il dit je t'aime, toi tu dis moi aussi je t'aime. Quand vous utilisez le mot vous aimez, vous comprenez ce que ça dit? Ça veut dire? Pas toujours. Je crois que c'est ça. Ça veut dire, allez, tu peux sacrifier comme Dieu a sacrifié Jésus. Est-ce que pour une fois, tu te sacrifies pour lui? J'espérais quand même, j'espérais. En fait, c'est des mensonges, tout ça. Donc, Oui, c'est pour cela que je me sens de vouloir vous montrer qu'en réalité, dans le monde, on utilise ces attributs de Dieu-là en bafouant sans se rendre compte qu'en réalité, on ne fait pas exactement ce que Dieu dit. Parce qu'en réalité, le véritable essence, normalement, quelqu'un ne peut pas aimer un être humain sans avoir Christ en lui. C'est pas possible. Normalement. Parce que la façon dont vous avez lu dans ce Matthieu chapitre 5, verset 7, il dit, soyez donc miséricordieux comme comment? Comme votre Père. Hein? Ouais. Miséricorde. Donc, si vous mettez la compassion, la compassion là-bas, la fidélité là-bas, vous allez voir que le style de fidélité, le style de compassion dont il exige, c'est le style dont Dieu fait. Dieu manifeste envers nous. Donc, ça veut dire qu'il amène ça au niveau divin, au standard divin. Donc, vous ne pouvez pas dire donc à quelqu'un que, ok, si vous remplacez miséricorde là-bas par fidélité, pour le cadre, si c'est le style de fidélité, vous dites, soyez donc fidèles l'un à l'autre comme le Père Céleste est fidèle, parce que lui ne change pas ses promesses. Vous voyez, malgré qu'il n'y ait pas quel de remous entre lui et nous, il ne change, sa promesse ne change pas. Maintenant, nous, tu as dit qu'on t'a déçu, mais au préalable, tu disais que vous vous aimiez. C'était vraiment l'amour? Non, je me suis rendu compte après que la plupart du temps, ce n'est pas vraiment, vraiment l'amour comme Dieu définit l'amour. Quoi. C'est juste les affections et des fois, c'est juste des mots aussi, quoi, l'œuf. En anglais, donc, ça veut dire lust, on le désir, voilà. Voilà, ce mot en anglais, lust, veut dire seulement que ce sont les plaisirs charnels, tout simplement, n'est-ce pas? Oui, la chair. Et le sens que l'anglais utilise, ça veut dire que c'est la possession même, c'est un esprit qui contrôle ses émotions-là, pas vrai? Oui, oui. Donc, parce que tu peux dire en anglais qu'à lust after her, ça veut dire que tu es la convoitise t'a accroché sur elle. Mais on confond cette convoitise-là à de l'amour, parce que l'amour ne voudrait pas du mal. Vous voyez, un jeune garçon, par exemple, qui s'attache à une jeune fille en disant que je t'aime, elle n'aimera pas la jeune fille pour le corps, pour son corps, ou désirera coucher avec elle. Comme par exemple le cas de... Remarquez bien dans la Bible, regardez la, cette femme-là qui était attachée à Salomon au point où elle a dû demander le secret de Samson en lui disant que tu me dis toujours que tu m'aimes, mais tu n'ouvres pas ton cœur. Le jour où le gars a ouvert son cœur, vous avez vu ce qu'il lui a montré, non? Continuez, continuez-vous là, à ouvrir vos cœurs pour le mondain, vous allez confirmer. Ouvrez toujours le cœur pour le mondain. J'avais une question à ce sujet, frère. Oui. Au sujet de d'ouvrir son cœur, de fermer son cœur, parce que c'est une question, c'est quelque chose qu'on on lit dans la Bible, mais on ne sait pas comment se protéger, s'immuniser contre... On arrive. tu as écouté les chrétiens face aux mauvaises pensées? Non. Non, fais un détour par là-bas, on va y revenir. Restons ici avec l'amour. Cette femme-ci ne doit pas me quitter parce qu'il y a un problème là dans son cœur. Maintenant, quand cette personne s'est déçue, la chère Myriam, qu'est-ce que tu as décidé maintenant, après ça, à l'issue de cette déception? Après ça, j'ai décidé que, attends, cite la phrase, que les hommes sont tous des menteurs. Tu te souviens? Que les êtres humains sont très méchants. L'être humain a la capacité d'être très méchant. Et puis, du coup, tu ne fais plus confiance aux êtres humains. Non, c'est pas les êtres humains. Attends, c'est pas l'être humain qui t'avait déçu, c'était un homme. Et c'est dans un contexte bien déterminé. Parce que quand tu n'as pas fait ton visa, c'est un homme qui fait. Quand tu construis le bus, est dans le bus, c'est un homme qui te conduit pour devant. Dans ces cadres, c'est particulièrement, qu'est-ce que tu as dit des garçons? J'ai dit qu'il faut faire attention, quoi, parce que certains, pas tout le monde, mais certains sont vraiment des kamikazes. Les kamikazes, les kamikazes du cœur, ils vont exploser ton cœur, quoi. Oui, dans le sens, oui, mais dans le sens que ce n'est pas toujours ce que tu vois, quoi. Et donc, c'est pas toujours ce que tu vois. Et donc, après cette premier pas de déception, qu'as-tu fait dans le relation suivant? Tu y es allé doucement en disant que quand le serpent est mort, tu vois le mille pattes ou le verre de tête, il faut être prudent. Oui, oui, je suis allé plus vraiment. Je suis allé vraiment plus doucement. J'ai les gardes. Tu mettais les gardes comment? Il les garde. Tu mettais fil babylon autour de ton cœur, comme les catholiques dessinent pour le cœur de Jésus, là. Ouais, si on peut dire comme ça. C'est pour ça que certaines femmes dessinent le cœur sur leurs bras comme ça. Elle met les flèches là-bas que son cœur a été transpercé. Elle a donné son cœur d'amour. On a transpercé son cœur. C'est ça, ma soeur. Tu as un tatouage sur toi aussi? Non. Ok. Bon, là, je pose la question. La deuxième personne, ça dit après cette déception-ci. Quand la deuxième personne est venue vers toi, la personne a dit que je t'aime, qu'est-ce que tu lui as dit? Non, je ne trouvais plus, je répliquais plus. Donc, quand elle disait que je t'aime, tu le regrettes, comme ça, dit que j'ai entendu, c'est la première fois. J'ai dit, c'est gentil. Tu as dit, c'est gentil de m'aimer. Oui, mais à l'intérieur de ton cœur, tu ne laisses pas. Alors, des fois, mentir, tu es sûr, bien, tu donnes-moi les raisons pourquoi tu dis ça. Tu-même, tu me connais où? Voilà. Tu m'as connu, peut-être. Tu connais comment tu dis que tu m'aimes dans les trucs comme voilà. Ça. Voilà. Non, les gars, tu as commencé à comprendre qu'il faut étudier le langage de l'amour pour savoir vraiment si c'est de l'amour. Oui, les actions. Les actions. Pas les voilà. Donc. Ouais. Donc, quand tu ne laissais pas, je t'aime la pénétrer ton cœur, pourquoi tu dis moi aussi? Mais entre-temps, toi, est-ce que toi, tu l'aimais aussi? Non, entre-temps... Tu jouais aussi pour voir si tu peux l'aimer. Non, je ne jouais pas, mais j'aimais dans le sens de... Si c'est amitié, ok, j'arrête là, quoi. Donc, j'essaie d'aimer sincèrement. Donc, je ne me fais plus emporter par les émotions ou les affections ou les paroles. Quoi. Donc, j'essaie d'aimer sincèrement. Si tu te si vois comme ami, c'est ami. Mais tu sais que c'est pas, elle ne vient pas comme ami. C'est parce que comme ami, elle n'a pas besoin de temps à perdre, n'est-ce pas? Tu sais effectivement ce qu'il il voulait. Et à l'issue de ça, comment ça s'est soldé? Il t'aimait comme ami ou c'est toi qui l'aimais comme ami? Moi qui aimais comme ami. Alors, ça, il y a encore eu une déception. Non, parce que mon cœur était déjà protégé, donc je suis plus prête à donner l'amour. Tu avais les gilets par rapport à tes anti-amour, quoi. Sur ton cœur déjà les fils babillés étaient là. Tu ne voulais plus que si pas ton cœur soit brisé comme la première fois. Oui, oui. Donc tu avais des difficultés à aimer. Oui, les difficultés à aimer, les difficultés à faire confiance, les difficultés à croire, you know, les paroles qui ne sont que des paroles de la bouche. Donc vous voyez effectivement que la confiance et l'amour vont de pair, pas vrai? Et la déception ne peut pas se lier à l'amour, ni encore moins l'infidélité, pas vrai? Le pardon. Alors, ma soeur Myriam, j'ai fini avec toi. Donc, c'est quoi? Après avoir fait tout cela, lorsque tu ouvrais ta bouche pour dire que je t'aime, qu'est-ce que tu voulais par là dire que tu aimais? Lorsque j'ouvrais ma bouche pour dire je t'aime, je voulais par là dire que j'aimais. Peut-être une certaine qualité que j'ai vue en la personne. Mm-hmm. Si la qualité disparaît. Si la qualité disparaissait. Si la qualité disparaissait, donc toi-même tu quittes la ton. Non, je veux la vous pour dire que je t'aime. C'est pour dire que j'aime bien la personne, c'est quelqu'un de bien, enfin, à son niveau, quoi. Mm-hmm. Mais si c'est plus amour que je peux, voilà, quoi, mourir pour toi. Si okay. Mais c'est un peu difficile pour les gens parce que you know, les êtres humains ne dépendent pas de Dieu. Mm-hmm. On fait comme on peut. Ok. Surtout qu'on a été déçus. Non, surtout qu'on a été déçus. Qui en a parlé même ici derrière? C'est le. Ok, le frère Loïc. Le frère Loïc, tu m'as dit tout à l'heure que tu n'étais pas marié, donc c'est pour ça qu'il ne va pas vite te poser la question. Donc, au moins, il y a. Avant de venir en Christ, chacun a eu sa part de bout dehors. Les expériences sont là. Les expériences sont là, oui. Tu as eu aussi les expériences décevantes de l'amour, n'est-ce pas? Frère, beaucoup. Voilà. Pas beaucoup, mais. En tant que jeune garçon, beau et mignon, as-tu d'ailleurs dit aux jeunes filles, mon OA, c'est AUX, aux jeunes filles que tu les aimais? Bien sûr, bien entendu. C'était une façon de. En disant cela, c'était une façon de dire que. Qu'on était prêt à tout pour la personne avec qui on était. Vraiment? Ouais. Et comment, ouais, tu peux vraiment. Dire ça, comment tu peux dire ça à trois personnes différentes? Vous connaissez en plus. Mon Dieu. Comment? Ben, parce que. Disons que, en fait, quand tu te mets en relation avec quelqu'un, tu vas dans l'optique que, voilà, que ça arrive à quelque part, que ça aboutisse à quelque chose. Mm. Mais voilà, comme disent les gens de la parole, l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Donc, pendant que tu dis que tu es comme ça, tu sors, mais tu as une voisine avec qui tu sors, tu dis la même chose. De l'autre côté, tu dis la même chose, mais tu prévois que si ça marche, si ça échoue, si ça échoue ici. Donc, mais aussi les gars. Non, pas nécessairement, c'est juste que. T'es quelque part, tu te dis que voilà, peut-être avec cette personne-là ça va aller. Mmh. Et puis tu te rends compte que au fil de la marche, il y a une instabilité, il y a une fragilité, il y a des incompatibilités. Voilà, c'est ça. Mmh. Et bah tu te dis écoute, on va pas perdre notre temps là, on va essayer de s'accrocher peut-être à gauche. Mmh. Mais entre-temps, dans cette relation, vous dites je t'aime, l'autre aussi dit oui, je t'aime. Tout à fait. Alors, la question que je suis en train de rechercher dans tout ceci, c'est est-ce que lorsque nous disons en prononçant avec l'autre je t'aime, on mesure ce que c'est que ce poids du verbe aimer? Non, pas toujours. C'est juste pour le fun d'utiliser le mot je t'aime. C'est juste parce qu'on aime. L'autre aime bien entendre cela et je sais pas quelle sensation ça fait quand l'autre l'entend, mais voilà quoi, c'est. Donc, c'est juste pas. Comme ça, ça fait dans ton cœur, comme ça, voilà, quoi. Il y en a qui sont plus sensibles à ça que autre chose. Ok. Et là, on est dans une situation où en Europe maintenant, le mot je t'aime est même devenu péjoratif au point où on utilise plutôt adorer. Vous entendez quelqu'un dire je t'adore. Et les gens qui. C'est chez eux qu'il y a des records des divorces. Les gens qui disent devant le maire je l'adore. Le lendemain, il ne peut pas toucher sa carte bancaire. Chaque personne, c'est une communauté de biens dispersés. Est-ce que ces gens-ci comprennent véritablement l'essence de l'amour? L'amour, c'est, on le découvre chaque jour. On en apprend un peu plus chaque jour sur l'amour. Je peux pas dire que on connaisse vraiment le sens même d'aimer, même si on pense l'avoir le connaître. Donc, allons donc à la base. Si on vous demandait de définir l'amour, vous définirez l'amour comme étant. Qui prend la parole? Emmanuel Yoba. Pour moi, c'est se sacrifier soi-même pour les autres. Ça, c'est la définition de l'amour. Ou bien c'est la pratique de l'amour? La pratique. Bon, ça, c'est la définition que je cherche. Parce que souvenez-vous de là où je suis allé. Là, quelqu'un a posé la question, c'est quoi la miséricorde? Je voulais vous montrer effectivement que tout ce qui émane de Dieu est compliqué pour l'être humain en réalité. Si on veut comprendre dans notre texte. Et par conséquent, Dieu utilise certaines choses, ces manifestations de ces lieux de lumière en nous, pour faire comprendre l'immensité de la grandeur de ces attributs-là en lui. Donc, l'amour, c'est quoi donc? Que c'est quoi l'amour? Si on dit définissez l'amour, ce serait quoi pour vous? La sœur Christelle Yankan, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Tu fuites amoureuse ici dehors, n'est-ce pas? Et tu l'es encore. Comment, ma soeur? Attends que je me cache d'abord. Donc, je pars, tu lances le voile encore sur la tête, tu me fais comme Rebecca, comme Rachel encore. Comme Rebecca. Donc, l'amour fait mal, hein? L'amour fait mal. L'amour, ça brise le moi. Ça brise le moi. Donc tu définiras l'amour comme étant quoi? Tu vois que c'est vous voyez qu'effectivement que c'est compliqué. C'est la mort. C'est la mort de soi. C'est la mort. Ouais, c'est ça. L'amour, c'est la mort de soi. C'est-à-dire que tu te réunis toi-même pour la personne, tu vis pour la personne, en quelque sorte. Donc. Dans un enseignement que nous allons venir sur le commandement, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, nous allons revenir sur ça en profondeur. Vous allez voir effectivement que vous allez, quand vous voyez quelqu'un, lorsque les gens disent, ah, je ne veux pas aimer le commandement de l'étude de la loi, ce n'est pas Dieu, Jésus a déjà résumé le commandement en deux. Aime ton prochain comme toi-même, aime le Seigneur comme ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme. Les gens croient que c'est une partie des plaisirs. Vous voyez effectivement qu'on est en train de définir seulement déjà ce que c'est que l'amour, vous voyez comment c'est très grave. Imaginez maintenant, on dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Il dit tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Ouais, le commandement là, c'est un problème. Et quelqu'un dit que non, j'aime Dieu. Il dit, tu aimes Dieu? Oui, oui. L'aimes-tu de tout ton cœur, de toute ton âme? Il ne connaît même pas d'abord où son cœur se trouve, ni encore moins là où son âme se trouve. N'en parlons pas de son esprit. Regardez seulement comment les pensées nous dérangent. Et quoi qu'il y a l'enseignement qui est posté là-bas, les chrétiens face aux mauvaises pensées. La deuxième partie. Regardez comment les pensées nous dérangent. Vous vous concentrez comme ça, vous êtes sur l'argent. Vous vous concentrez comme ça, vous êtes sur les jeunes filles et les jeunes femmes. Vous vous concentrez comme ça, vous êtes sur le projet. Mais il n'y a pas de temps concentré pour le Seigneur dans notre pensée. Et Dieu dit, cette pensée, il doit occuper toute notre pensée. Si on fait ça, automatiquement, on aimera notre prochain comme nous-mêmes. Parce que c'est d'abord ça qui fait. Si ça prône, l'amour émane en nous et nous comprenons effectivement que nous pouvons aimer celui qu'il a créé à son image. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc nous allons revenir sur ces deux commandements-là, les détailler enseignement après enseignement. Parce que les gens disent non, non, non, non. Si je crois que si je n'ai pas besoin de lire la Bible, j'aime Dieu de tout mon cœur et puis j'aime mon prochain, c'est que j'ai accompli. Vraiment. Voilà, Miriam qui aimait, croyait qu'elle aimait jusqu'à ce qu'on a brisé. Elle a mis le fil barbelé sur son cœur, emballé comme ça, mettre les flèches sur ça. Elle a dit qu'elle aimait les garde-fous désormais. Brigitte dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, Frère. Donc, en résumé, avant qu'on ne vienne danser, je crois qu'il va falloir que je travaille cet enseignement plutôt avec vous. Commencez à réfléchir là-dessus par rapport à ces commandements. Parce que plusieurs fois, on est venu poser la question au Seigneur Jésus-Christ. Quels sont les commandements? Jésus leur a donné les deux plus grands commandements. Il a dit, voici le plus grand commandement. Écoute, Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et Jésus ajoute, voici un autre commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même si on laisse pour Dieu là, aimer le prochain comme nous-mêmes là, c'est un problème. Vous voyez? Maintenant, l'apôtre Paul répète encore ça dans le livre des Romains. Et le Jacques aussi en parle de cela. N'est-ce pas, mes frères? On va revenir sur ce enseignement particulièrement. C'est quoi aimer Dieu de tout ton cœur, de tout son... Il faut qu'on s'y consiste, c'est que ce que le cœur. Comment l'amour de Dieu y pénètre? En fait c'est un préparatif là dans les mauvaises pensées. Comment ça y pénètre? Le domaine de l'âme, comment aimer Dieu de toute ton âme? Le domaine de pensée, comment Dieu aimer le Dieu de toute ton âme? La force, qu'est-ce que la Bible donne de toutes tes forces? C'est quoi? Le déploiement de ta force. C'est quoi dans cette force dont nous avons et que dont nous allons aimer Dieu totalement avec cela? Mais la question, ce que j'en ai dit là, vous y avez déjà réfléchi particulièrement? Oui. On a du chemin, je vous le dis, on a du chemin. Ah non, non, non, non, non. Aimes-tu le prendre ton prochain? Non, je ne le déteste pas. Aimes-tu ton prochain? Non, je ne le déteste pas. Est-ce que tu l'aimes? Non, je ne le déteste pas. Je n'ai rien contre lui. Mais est-ce que tu l'aimes? On va voir tout cela, d'accord, mes soeurs? Oui. Alors, ainsi comme la sœur Suzanne parlait de c'est quoi la miséricorde, j'ai dit que ça peut, en hébreu, chez 7. Comme si vous lisez dans l'Ude de Genèse, vous allez voir effectivement que ça revient chez 7 ou bien Rakan, comme j'ai dit. Ça peut vouloir signifier fidélité. En tout cas, ce sont des émanations des différents attributs de Dieu, des petites émanations, parce que ces grands attributs, c'est indéfinissable par l'homme, par la pensée, ni par son langage, comme l'amour. Tout ce que vous allez faire pour définir l'amour, vous ne pourrez pas définir, parce qu'en réalité, l'amour lui-même, c'est Dieu. Vous définissez l'amour, vous définissez Dieu. Vous ne pouvez pas le définir parce que vous ne pouvez pas le circonscrire. Alors, tout ce que nous ressentons sont les émanations. Maintenant, ces émanations peuvent être perverties dans des endroits comme nous voyons, effectivement. Comme on prend là, vous allez voir, quelqu'un va prendre le MB avec les pensées perverses, essayer de composer pour briser la barrière fixée par autre personne pour pénétrer son cœur, créer les émotions en lui, disant qu'il l'aime alors qu'il ne l'aime pas en réalité. On dit donc qu'on l'a dragué. On drague l'eau, c'est l'eau qu'on drague, n'est-ce pas, mes frères? Ça me fait un peu penser, mon frère, à une question qu'on t'avait aussi posée une fois sur la piété. Mmh. La piété. Voilà. Ben, j'ai de la sainteté, bonsoir. Ouais. Bonsoir, frère. Que Dieu bénisse. Dans ces petits mots, ouais, effectivement, que concernant, nous sommes de commenter comme ça, en parlant comme ça, lorsque vous lisez la Bible maintenant, faites attention aux mots que vous lisez. Ne prenez pas pour agent comptant le fait que vous connaissez la lecture en français, si vous êtes dans l'expression en français, ni la lecture en anglais, parce que les mots qui sont mis dans les Saintes Écritures, souvenez-vous que c'est inspiré, ou mieux encore, expiré du souffle de Dieu. Et donc, ça veut dire que l'explication, c'est de la compréhension divine, donc de l'esprit. Et par conséquent, le Saint-Esprit a fait l'effort de mettre en autre langage pour qu'on essaie de percevoir ce qu'il veut dire dans l'esprit. Donc, c'est la pensée de Dieu qui y est écrite. Et si la pensée de Dieu qui est écrite, ça doit être comprise uniquement sur la façon dont Dieu veut qu'on comprenne. Et par conséquent, il nous amène vers sa compréhension à lui. Pas étonnant donc qu'il y ait ces choses-là où que chacun commence à prendre le dictionnaire. Voilà pourquoi il vous dit dans la Bible de ne pas aller prendre les dictionnaires mondains pour prendre les dictionnaires, pour prendre les mots, pour essayer de lire, pour savoir de quoi il est question. Ça ne vous aidera pas. Ça va vous tuer clairement. Alors quand vous lisez donc désormais la Bible, quand vous voyez, tout à l'heure on a défini ce que c'est que honorer. Vous voyez qu'effectivement, vous dites honorer. La façon dont il dit honorer vos femmes, ce n'est pas la façon dont il demande d'honorer Dieu. Quand il dit demande d'honorer le parent, c'est autre chose. Quand il demande un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie, c'est autre chose. Quand il parle d'honorer Aman d'être honoré, on a honoré plutôt Madoché, c'est autre chose. Et par conséquent, Jésus dit, je sais mon Père, je sais de l'honorer mon Père et vous m'outragez. Dans Jean chapitre 5, verset 23, il dit que, afin que tous honorent le Père comme le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, il n'honore pas non plus le Père. Vous voyez que c'est autre chose. Mais pourtant, le même mot, c'est honoré. Maintenant, supposons que maintenant que vous allez dans votre dictionnaire, vous allez regarder honoré. on va dire que c'est un mot provenant de ceci et autre là-bas, vous devez le définir. Vous mettrez là-bas, ça ne donnera jamais. Ça veut dire que quand vous lisez la Bible, allez-y avec votre cœur et le Saint-Esprit, appliquez la définition qu'il veut sur votre cœur par rapport au passage bien sollicité. C'est donc ça la méditation. Amen. Des questions? Gardez-moi à l'esprit qu'il faut qu'on revienne dans cet enseignement sur les deux grands commandements de la Bible. Deux grands commandements, parce que la Bible déclare que de ces deux commandements-là dépendent les lois et les prophètes. Mais c'est quand même terrible. Regardez, j'ai dit que ma tête secoue là. Donc, de ces deux commandements dépendent des lois. Donc, toutes les prédications en réalité dépendent de cela. Tout ce que vous allez faire dépend de cela. Donc, alors, ça veut dire que pour qu'on puisse bien saisir les commandements, on a dû donner les prédications. Donc, la sainte doctrine découle de cela. La sainteté, la prédication sur la sainteté, éloigner le péché, craindre Dieu, dépend de cela. Ok, on dit, ok, aime le Seigneur de tout ton cœur. On aime comment? Comment vous faites pour aimer? Comment? Que le Seigneur vous bénisse. Des questions? De toutes les façons, je pense que par rapport à cet amour selon le Seigneur, il n'y a que, comme tu l'expliquais, il est impossible à l'homme, par sa propre force, d'avoir ce genre d'amour-là. Mmh. Donc, il n'y a que le Seigneur qui peut mettre ça en nous. Mmh. Ok, maintenant, je pose la question. Combien sont sur la terre ceux à qui le Seigneur a mis cet esprit ou cet esprit d'amour-là à l'intérieur d'eux? S'ils sont peu, alors ceux donc qui disent « Nous aimons le Seigneur, en fait, nous aimons le prochain », disent-ils le mensonge ou bien de la vérité? Vous voyez donc l'illusion à la fin du temps, n'est-ce pas? L'illusion. La grande illusion. C'est pour cela que vous voyez effectivement que vous pouvez faire le truc de l'orphelinat, construire l'orphelinat. Dieu n'y est pas dedans. Même si vous faites du bien, vous voyez l'humanisme que dont les hommes prennent aujourd'hui. Vous allez voir comment ils construisent les ONG d'abord pour aider les gens, ordonner l'orphelinat, collecter l'argent pour aller résoudre le problème de la famille en héritage. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument. C'est pour ça que Dieu n'a pas demandé à l'église d'aller construire les orphelinats, ni construire les écoles pour pouvoir prendre les orphelins. Ça n'a rien à voir avec le ministère spirituel. Si ces deux choses sont appliquées, vous manifesterez l'amour de Dieu comme il se doit. Vous m'entendez, mes chers? Amen. ONG chrétien. J'ai une question. Oui. ONG chrétien. Oui. Jésus rachète les dans un enseignement, tu as parlé de la brèche dans la parole. Ah, vous êtes encore venu là, Bouma. Le moment arrive, t'inquiète pas. Ah? Oui, le moment arrive, mon cher. La brèche. Ils sont de regarder à quel moment je vais enseigner ceci. Mais en même temps, ils sont de nous aimer les uns les autres, d'accord, mon frère? Une question. Allô? Qui parle? Il ne vous voit même plus. Mais c'est la Sainte-Christine. Frère, j'ai une question dans Genèse 12. Quand Abraham avait donné sa femme au pharaon. Donc, dans Genèse 12, 17 à 19, il dit, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au nom, au sujet de Sarai, fille d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur, ou si l'ai-je prise pour ma femme? Je me suis demandé si ça veut dire que Sarah a commis l'adultère. Non. Hmm? Parce qu'il y a un deuxième cas où le Seigneur, on spécifie bien, je ne sais pas plus loin. Dans Genèse chapitre 20. Le Seigneur a empêché le pharaon le roi d'Égypte. Oui. Plus loin. Le Seigneur l'a empêché. Ouvre Jérémie chapitre 3, ma soeur. Jérémie chapitre 3. J'essaie de quoi il est question par rapport à ce que tu en as dit. J'essaie parce que des enseignements que les gens ont dit concernant cela. C'est l'un de ces volets dont tu as aussi perçu comme ça. Les émanations de cet esprit est venue vers toi. Finissons d'abord de lire. Jérémie chapitre 3. C'est la réponse. Oui, la réponse vient de la base. On commence par là pour avancer. Verset 1, qu'est-ce que ça dit? Ah, justement, c'est pour ça que j'étais choquée. Pourquoi tu es choqué? Pourtant tu es choqué alors que le verset n'a jamais dit ce que tu en es pensé. Non, mais parce que frère, dans le passage, c'est pas le titre dans ce moment, savoir, il y a encore une autre situation. Abraham a laissé Sarah partir. Non, parce qu'il avait. J'ai bien. C'est justement ce passage qui montre que le chapitre 12, ça n'avait pas dit cela. C'est le passage dont tu as cité. Cette fois-ci, c'est avec Abimelech, au chapitre 20. C'est ça dont il a dit dans les questions. D'accord, j'arrive là maintenant. Commençons par Jérémie, chapitre 3. Allons-y, verset 1. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants et voilà. Tu reviendrais à moi. Et tu reviendras à moi, à l'Éternel. Alors maintenant, on voit effectivement que répudier ici, ça veut dire qu'on fait détacher sa femme, que sa femme quitte sa présence. Et sa femme quitte et devient la femme d'une autre. Et quand on dit devient la femme d'une autre, ça veut dire qu'elle s'attache dans le cadre des rapports sexuels. Mm-hmm. Il dit qu'il ne peut plus reprendre cette femme-là. Je pose la question, qui est Abraham? C'est qui? C'est le père de la foi. En dehors de cela, il est quoi? Patriarche, qu'est-ce que je vais encore dire? Ou mieux quoi encore? Il est loin de Dieu, c'est le mari de Sarah. C'est loin de Dieu. En dehors de c'est... cela, il est quoi? Pardon, frère. En dehors de ça, il est quoi encore? Il est prophète. Il est prophète, c'est ça dont il est question. Maintenant, si le mari de Sarah, il peut commettre n'importe quel problème. Mais est-il prophète? Oui. Ce que tu viens de lire dans Jérémie, là, est-ce qu'il connaît cela? Oui, le prophète connaît. Voilà. Maintenant, allons dans Jérémie chapitre 20, enfin, dans Genèse chapitre 20, pour voir ce que... Parce que même les gens qui étaient non-croyants, et que même les non-croyants, les non-juifs, à l'époque, savaient qu'on doit battre la femme de quelqu'un. Non, parlons pas dans ce corps du prophète, pas vrai? Pardon, frère. Il dit comme tu dis, comme les non-croyants savaient qu'on ne doit pas toucher la femme de quelqu'un. Imagine non, les non-croyants, pas vrai? Hein? Les prophètes à eux. Parce que c'est pourquoi le Seigneur, plus loin alors, Abimelech, on dit bien que Dieu a interdit, Dieu l'a empêché. Ma soeur, et si on le dit pas, est-ce qu'on peut lire? C'est on y va. C'est quel passage? Genèse chapitre 20, verset 1 à 9. Verset 1 à 9. Okay. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guéran. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guéran, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, voudrais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète et il priera pour toi et tu vivras. Et si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce que tu as. Continue jusqu'au verset 9, ma sœur. J'ai ri seulement. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se faire. Ma sœur, regarde-moi bien. Nous sommes au chapitre combien? 20. Donc ça veut dire qu'au chapitre 20, Dieu connaissait que c'était un prophète, c'est un grand péché. Au chapitre 12, il ne connaissait pas. Ah. Parce qu'on dit qu'Abraham disait de sa sœur, donc ça dit que c'était son habitude. Quand il passe n'importe où, c'est ça qu'il dit pour se protéger, mon ami. Mm-hmm. Et même et quand il dit comme ça, même elle aussi, elle dit que c'est mon frère. Et dans la suite, tu t'es arrêté au verset 9 là dans la lecture. Le verset suivant dit clairement quand Abraham va dire qu'effectivement, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Donc ça dit qu'il ne mentait pas. Mais c'était la brèche, hein, le frère Emmanuel. C'était la brèche que lui-même utilisait pour s'échapper. Il arrive avec la brèche. Il y a la brèche qu'il utilise pour s'échapper quand c'est fort. L'apôtre Paul avait sa même brèche là. Quand tu le chicotes, quand il sent que c'est Dieu, il peut mourir là-bas. Il dit que mon ami, où tapez sur un citoyen romain? Le gars dit, hein, donc tu es romain. Il dit, oui, je suis romain. N'est-ce pas, frère? Quand ça ne va pas, vous voulez le coincer. Il dit que, ouais, je suis pharisien, fils des pharisiens. Est-ce que les romains sont des pharisiens, mon frère? Voilà. Donc, ici, dans ce Genèse chapitre 20, la Bible déclare clairement que Dieu dit que c'est lui qui a empêché Abimelech de pécher contre lui. Parce que la Bible dit que s'il faisait cela, c'est que son royaume aurait commis un grand péché, le royaume. Et Dieu dit clairement là-bas que s'il avait touché, lui et tout ce qui lui appartient devait mourir. Va donc, il va prier pour toi, c'est un prophète. Ha! Vous parlez des Bibles. Mais frère, est-ce que ce n'est pas pour ça alors que dans le chapitre 12, le Seigneur a frappé de grandes plaies du Pharaon et sa maison? Oui, c'est normal. La personne qui était stérile portait dans son astérité s'est trouvée dans la maison. C'était normal que ça quitte Sarah, ça va sur eux. C'est pas parce qu'elle a couché avec eux, ça n'a rien à voir. Et pourquoi il dit j'étais aussi les surprises pour ma femme? Mais il a pris, il était à la maison, non? Si on te marie, quand tu te maries avec quelqu'un, c'est pas sa femme, ta femme. Quand Abimelech l'a fait enlever Sarah, il avait pris, tu crois que c'était qui? Courage, d'accord, ma soeur. Des questions. Mais c'est la même chose, frère. Oui. C'est la même chose comme on appelle. Comme Joseph et Marie, c'était sa femme. Mais ils n'étaient pas encore allés ensemble. Voilà. Même si partaient ensemble. Là, l'autre cas, ils sont mariés. Même s'ils partaient ensemble, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-bas. Ici, ils ne peuvent pas aller ensemble parce que c'est que Sarah ne retournera plus jamais avec Abraham. Et l'enfant de promesse ne viendra pas. D'accord. Christ ne laisse pas l'église être dans le paganisme comme ça. Des questions? Frère, moi, il y a une question dans Ecclésias chapitre 7. N'oubliez pas d'écrire la question, les deux questions que je vais poser sur le forum dès que vous le pourrez. Oui, des questions? Ecclésias chapitre 7, oui. Verset 16 et 17. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que Salomon veut dire là-bas. Je crois que vous aurez tellement de questions à poser à ces gens-là qu'on va se retrouver en haut là-bas. Pendant qu'on sera en train de poser des questions, je serai maintenant au pied de Jésus là-bas. On va poser. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas très sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Des questions? Quelle est la question, mon frère? Je ne comprends pas en fait. Parce qu'il après dit ne sois pas juste à l'excès. Et après, encore au verset 17, il dit ne sois pas méchant à l'excès. Il ne parle pas de la même personne, mon cher. Il ne parle pas à la même personne. Vous devez savoir cela. Le bon sens de la Bible, vous devez savoir qu'il en a parlé à deux personnes différentes ici. Le frère, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, allô? Alors, je crois que c'est moi qui ai une interruption des. Oui. Alors, dans ce verset 16 d'Ecclésias, chapitre 16, il est écrit ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Regardez bien pour celui qui est juste à l'excès. On va y revenir sur l'expression juste à l'excès. Pour le deuxième volet au chapitre 17, il dit ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu le verset continue en disant au verset 18, il est bon que tu retiennes ceci et que tu négliges point cela. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Quelle chose? Bon, de toute façon, maintenant regardez bien, le verset 16 parle d'une personne, à une personne, ça s'adresse à une personne, le verset 17 s'adresse à une autre personne. Là maintenant c'est déjà distinct. C'est le premier se trouve au niveau des méchants à l'excès, juste à l'excès. Oui. C'est même, c'est là le problème se passe. Donc il faut d'abord comprendre d'abord que ça ne s'adresse pas à la même personne. Le premier, ce que le 16 s'adresse à qui, à toi. Le deuxième, le 17 s'adresse à qui aussi? Donc, ça, le 16 s'adresse à toi, le 17 s'adresse à moi. Ou bien tu prends le 16, je prends le 17, ou bien je prends le 17, tu prends le 16. On se partage. On se partage. Ok, maintenant voici encore une autre chose de la Bible. Maintenant, je vais parler. Je crois qu'un de ces jours, il faut qu'on vienne. Cette chose que j'ai dit, lorsqu'on se réunit, dit par exemple, poser des questions. Je vous donne les énoncés des types des enseignements, mais je viens et vous pose des questions. Il dit poser des questions, vous posez des questions. Il faut qu'on vienne au niveau des corrections, des compréhensions bibliques, des notions, certaines notions dans la Bible. La correction de la compréhension. Je vous donne des choses et on amène à la compréhension des choses. Comment comprendre? D'accord? Il peut vous en donner comme ça plusieurs maintenant pour que vous voyez de quoi il est question. Maintenant, ici, vous allez voir, ces mêmes choses-là se trouvent dans le livre des Proverbes. Vous allez voir dans Proverbes, un verset dit, ne répond pas à un insensé selon sa folie afin qu'il ne regarde, répond à un insensé selon sa folie afin qu'il ne regarde pas comme sage. Ah, le verset suivant dit que ne répond pas à un insensé afin qu'il ne lui pas lui ressembler. Vous voyez, c'est pas que les versets sont décalés, c'est là, ça se suit. Ouais. Vous avez lu ça dans les Saintes Écritures. Oui. Ok, c'est quoi être juste? Rapidement, mes frères, c'est quoi être juste? Juste, c'est. Vous voyez, voilà encore le problème maintenant. On a parlé de l'amour tout à l'heure, de la compréhension, de l'amour, de la miséricorde. Voici un autre encore. C'est quoi être juste? C'est quoi qui pratique la justice? C'est vrai. Marcher dans la droiture. Donc, quand tu marches dans la droiture, tu es juste, n'est-ce pas? Ok. Prenez Job chapitre 15. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la sainteté et bonsoir. Bonsoir, frère Julien. Alors, vous êtes dans. J'ai dit quel livre déjà? Job chapitre 15. Oui, prenons Job chapitre 15. Vous y êtes? Oui. Quelqu'un lit le verset 14 de Job chapitre 15. Je lis. Job 15, verset 14. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Répondez à la question. Oui. Répondez à cette question qu'on pose là-bas. Non, parce que dans Ecclésiaste 7, 20, il dit non, il n'y a sur la terre point d'homme juste. Voilà. Vous voyez effectivement que quand on va construire ces choses, vous allez commencer à comprendre certaines choses dans la Bible. Alors, l'auteur des. Enfin, dans ce livre de Job, chapitre 15, celui qui parle, je crois que c'est Elia, il pose la question, l'homme qui est né de la femme peut-il être juste? Répondez à la question, oui ou non? Non. Il ne peut pas être juste? Non. Ok. Maintenant, allons au chapitre 25. Vous y êtes, mes frères, rapidement. Oui, oui. Allons-y. Verset 4, qu'est-ce que ça dit? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Ok. Donc, deux choses sont dites là-bas. Il y a des grands thèmes dans la Bible qu'il faut qu'on voie. Donc, il pose la question. C'est une fois encore une fois la question ici. Il y a deux choses, la justice et la pureté. N'est-ce pas? Comment un homme qui est né de la femme peut-il être juste, peut-il être pur devant Dieu? C'est possible? Non. Ouvrez maintenant Jean chapitre 15. Allons-y. Ouvrez-moi Jean chapitre 15. Vous allez lire vraiment la Bible ici citée. Tant que vous allez entendre cette voix, c'est de mon vivant, vous allez lire la Bible. Je vous dis. Jean chapitre 15. Si vous y êtes, vous me dites, il vous donne un passage. Oui. Vous avez déjà trouvé. Oui, oui. Ça, c'est des questions compliquées de la Bible là maintenant. Maintenant, lisez-moi le verset 3. Déjà, vous êtes plus à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ceux-ci à qui on s'adresse, à sont-ils nés de la femme? Oui. 2 Corinthiens chapitre 5, ouvrez. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans Job chapitre 15, verset 14 et dans Job chapitre 25, verset 4. Vous êtes prêts? Oui. J'ai dit 2 Corinthiens chapitre 5. Lisez-moi le dernier verset du chapitre 5, c'est-à-dire le verset 21. Qu'est-ce que ça dit? Celui qui n'a point commis le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc nous sommes comment? Juste. Ok, maintenant, on va revenir maintenant en arrière. D'après ce qu'on est en train de poser comme question là-bas, quelqu'un pouvait-il être juste? Non. C'est pour cela que le questionnement de Job consistait à savoir d'où lui viendra le Rédempteur. Tous ces questionnements, tout ce qui se passe dans le dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, ça fait bizarre. Laissez choses, cette grande chose de la Bible, si. Voilà. Merci. Toutes ces choses de la Bible qui sont dites là-bas, c'est la recherche de pouvoir pour pouvoir montrer le Rédempteur Sauveur. On montre les différentes angoisses que l'homme a, vit au quotidien, et cherche en lui-même et autour de lui comment être délivré de cela. C'est ça, enfin, c'est toute la Bible tourne autour de ça, l'Ancien Testament. Et le but de Dieu de faire tout cela, c'est pour montrer effectivement que l'homme, comme on a dans cette Ecclésiaste, l'homme court dans le sac, il poursuit du vent sur la terre. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous allez voir que tous les denrées, tout ce qu'on cherche sur la terre, Ecclésiaste conclut que c'est la vanité. Et donc, vous vous posez la question, si vous réfléchissez de la bonne réflexion, vous allez poser donc la question de savoir, un, quel est donc le but même finalement de l'essence si tout est vanité? Et si tu construis la maison au. Demain, il n'est même pas sûr que demain, toi-même, ta progéniture va même vendre. En fait, beaucoup de personnes qui ont hérité de leur père ont vendu des bêtises. Vous voyez? Vous travaillez, vous ne profitez pas. Vous travaillez, et puis même vous travaillez, vous poursuivez l'argent, vous ne voyez pas. Il y a des gens qui poursuivent les études, vieillissent sans avoir attrapé l'étude. D'autres attrapent même l'étude, ne font absolument rien avec. D'autres ont le diplôme, ils ne travaillent pas. D'autres, c'est le jour de sa soutenance qui meurt. D'autres, c'est le jour de son mariage qu'on le trahit. Donc, poursuite du vent sur la terre, la vanité. Et la Bible déclare que Dieu livre le Fils de l'homme comme cela à la vanité, sans être agité. Dans tous les jours de vanité que Dieu l'a accordé sur la terre. Et donc, cette chose-là, c'est pour montrer effectivement la futilité de notre vie, comme que notre vie ne dépend que sur un fil. Et donc, si ça dépend sur un fil, il faut regarder. Dans cette méditation-là, Dieu veut nous pousser à comprendre l'essentiel même de la vie. C'est ainsi que Ecclésiaste va conclure en disant que, du moins, crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Vous voyez, on va revenir avec l'amour d'aimer le Seigneur de tout son cœur. On va y revenir. Et donc, ici, nous voyons effectivement. Qu'en lisant le livre d'Ecclésiaste, et comme tous les autres livres, si on continue comme ça pour la résurrection, pour l'existence de Dieu, vous allez voir que c'est la même chose. Donc, dans l'ancienne alliance, donc, l'homme était à quête de rédemption, à la quête de la rédemption de la vie éternelle. Les questions se positionnaient en l'homme, et c'est les différentes choses là-bas qui se posaient comme questions là-bas. Et on voit effectivement comment quelqu'un pose la question, ok, parce qu'en réalité, ils savent effectivement qu'on est impur. Maintenant, comment un homme peut-il être pur? Il ne sait pas. Voilà pourquoi la question est posée. Vous voyez, mais c'est évident maintenant pour tous ceux du Nouveau Testament qu'en Christ nous sommes purs. Et au point où on nous appelle maintenant c'est les saints en Christ. Vous voyez, quelqu'un, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, enfin dans le chapitre 6, verset 9, jusqu'au verset 11, il dit que les impudiques n'hériteraient pour le royaume des cieux. Les impudiques. Oh, tous sont impudiques parce qu'en regardant, puisque Jésus vient expliquer ce que quelqu'un regarde, une femme, il a la convoité. Donc il y a des gens à qui Jésus n'a pas parlé, ça qui ont convoité comme ça, ils ont commis l'adultère sans s'en rendre compte. Parce que Jésus ne leur a pas encore dit cela. Vous voyez, ils sont morts comme ça. Alors maintenant, Jésus amène une nouvelle façon de faire. Et puis, la Bible déclare au verset 10 et 11 du chapitre 6 des 1 Corinthiens. Il dit, mais c'est quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été purifiés. Alors maintenant, si la personne qui allait poser la question dans le livre des Jean était dans le Nouveau Testament, il comprendrait effectivement que l'homme peut être pur, l'homme né de la femme peut être pur. Vous voyez, parce qu'il cherche quelque chose qu'on puisse purifier l'homme de son péché. Donc, il cherche la rédemption. Et la rédemption ne se trouve pas justement. Le problème, c'est qu'il cherchait, ça dans l'homme. L'homme ne peut pas se sauver. L'homme ne peut pas sauver un autre. Il ne peut pas aider. Il ne peut pas s'aider lui-même. Donc, il faut que le rédempteur vienne de quelque part d'autre. Il cherchait le rédempteur. Vous voyez, au fur et à mesure, lorsqu'on continue dans les prophéties bibliques, Dieu commence à montrer qu'un sauveur arrive. Il viendra lui-même vous sauver. De Sion sortira la loi. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dites à Jérusalem, consolez mon peuple. Dites que l'année de ses souffrances sont terminées. Voici le cantique de racheter. Le jour là, quand il va les purifier, une eau d'une eau pure. Je les laverai d'une eau pure. Dont la purification devrait venir. Donc ici, ceci était dans la recherche scientifique de Dieu. La recherche de la purité. C'est poser des questions, des problématiques, poser les jalons. Pour que la réponse vienne. On dit, en fait, voici la quête de ce que vous cherchez. Donc, comme ça. Alors donc, lorsque vous lisez dans le livre d'Ecclésiaste, le livre de Proverbes, allez-y que les gens étaient en train de poser des jalons pour poser des problématiques humaines et donc ils cherchaient des solutions. Nous avons la solution, c'est possible. Avec la solution, nous pouvons comprendre ce qu'ils traversaient et ce qu'ils cherchaient. Maintenant, Jésus dit que déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il était simplement, il fallait simplement dire à celui-ci, à Eliphaz de Théma, en disant tout simplement à Bilda, que quand le Christ viendra, il parlera, on sera purifié. Il va te demander comme ça que ta tête tient. Tu as entendu qu'on parle que quand quelqu'un est pur, il faut laver. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Ils étaient en quête de la vie éternelle de la rédemption. D'accord, mes chers? Bon, maintenant, vous allez maintenant lire. Vous remarquez, effectivement, l'apôtre Paul cite maintenant, si vous lisez le livre de Romains chapitre 3 et Romains chapitre 6, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez cela? Et il dit tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais est-ce que la solution est là? Non. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Mais tous sont gratuitement justifiés. La partie des justifications gratuitement n'était pas révélée dans ce testament. Vous voyez? Alors maintenant, il dit dans le livre romain, il dit aucun n'est face de juste. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. C'est normal, parce que c'était l'état là-bas. Maintenant, il y a maintenant les justes parmi nous. Pas vrai, frère? Donc nous, en principe, on est tout ça, quoi. Mais qu'est-ce qu'on est dans le temps de la grâce. Qu'est-ce qu'on a dit ici dans 2 Corinthiens 5, verset 21? Lis aussi, lis encore 2 Corinthiens 5, verset 21. Oui, non, non, mais c'était juste pour reconfirmer. Bon, maintenant, donc je voulais qu'il dise encore plus bien ce qu'il a dit. Donc, quand quelqu'un, quand Jésus dit par exemple, déjà vous êtes tous purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, en cet homme-ci, ces personnes à qui il s'adresse, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont impurs? Non. Si Jésus a dit que vous êtes tous purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, est-ce que vous pouvez encore leur dire qu'ils sont impurs? Non. Donc ils ont été purifiés. Cette façon de purifier, cette façon de parler, dans l'Ancien Testament, ils ne connaissaient pas cela. C'est pour ça qu'ils pouvaient faire des ablutions. Et l'apôtre Paul explique dans l'Hébreu que ces ablutions et ces sacrifices qu'on fait chaque année ne peuvent pas rendre purs dans le rapport de conscience ceux qui rendent ces cultes-là. Vous voyez? Mais Christ est apparu une seule fois pour toutes. Dans Hébreux chapitre 10, verset 14, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est terrible. Terrible comme révélation pour les chrétiens. Il a amené à la perfection et pour toujours, pour toujours. Alléluia. Il a amené. Donc, la Bible déclare, dans ce cas, on sait maintenant Dieu dans un esprit nouveau. Dans un esprit nouveau. Donc, on ne sait pas Dieu selon la lettre, nous selon les rituels. En esprit. On regarde avec le vivre de servir le Seigneur dans l'esprit, donc dans l'esprit d'adoration. Donc en clair, je recommence encore. Quand vous lisez Ecclésiaste, vous lisez ça, que ça ne soit pas. Si vous comprenez cela, vous allez comprendre effectivement qu'il n'y a pas de contradiction. Parce que les gens se posaient des questions. C'est un peu comme au laboratoire, en sciences par exemple physique, ou en sciences de la chimie. Vous allez voir que peut-être Paul et Marie Curie vont poser les jalons. Arriver quelque part, ils vont faire l'erreur sur une formule. Pourtant, le cheminement était juste. Quelqu'un vient plus tard, prendre ce même cheminement, trouve là où il y avait le problème, continue. Pas que Pierre et Marie Curie avaient totalement raison, mais ils avaient la compréhension de quelque chose qui nous a permis de travailler à ce moment-là. L'autre vient continuer, dans l'heure, il avait commencé, il met une pierre de contribution à la science. Chacun continue, là où il est bloqué, l'autre vient continuer. Vous comprenez, n'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, ils étaient dans la compréhension de la chose. Comme par exemple, il n'y a personne qui a fait les recherches sur les femmes comme Salomon. C'est pour ça qu'il a battu le record de nombre de femmes. Alors, il a fait la recherche. Il n'y a pas une femme qui s'est cachée devant le Salomon. Donc, vous montez, vous descendez. Salomon, vous avez eu le laboratoire. Toutes les formules qu'il vous a composées, il les a faites. Et il a conclu dans ce chapitre 7 de Salomon qu'il a trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet. C'est la conclusion. Il n'y a pas plus grande conclusion que cela pour les femmes. Vous comprenez, n'est-ce pas, hein? Donc, quand il dit ne soit maintenant, ayant donc compris cela, quand il dit ne soit pas juste à l'excès, qu'est-ce que vous pouvez comprendre que Salomon vous est en train de dire? Mes frères, donc, ouais, effectivement, que si vous voulez, en ce temps-là, si vous voulez vivre parmi les hommes, tu veux montrer que tu es trop juste, tu vas finir tes jours courts, pas vrai? Tu vas confirmer. Maintenant, si je dis que tu ne sois pas méchant en excès, quelqu'un pouvait s'empêcher, la personne à qui il a de dire, s'il est méchant, il dit baisse quand même ta méchanceté, tu es quand même méchant, mais baisse quand même la méchanceté. Pourtant, la Bible ne tolère pas la méchanceté. Il dit ôtez le méchant du milieu de vous. On n'a pas dit ôtez le méchant, l'excès de méchanceté au milieu de nous. Ça ne s'est pas toléré au milieu des chrétiens, pas vrai? Le méchant ne doit pas être au milieu de nous. Ôtez le méchant du milieu de nous. Ici, on parle de méchant en excès. Donc, ça veut dire que c'est comme si tu pouvais être méchant, mais on te tolère. C'est l'excès de la méchanceté. Comme les gens disent que non, l'alcool, c'est plutôt l'excès qu'on a demandé qu'on ne boit pas. On a aussi toléré dans la Bible le méchant, non? C'est l'excès de méchanceté qu'on ne veut pas aussi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le pouvoir, justement? Ils n'avaient pas le pouvoir contre le péché, donc... C'est de ça que je suis en train de parler. Parce qu'il okay, est méchant. Il va faire comment pour enlever la méchanceté? Il dit que, gars, baisse quand même le niveau. C'est vrai que tu es méchant. Il y a des bandits qui viennent quelque part dans une maison, ou de voler, des gars, ou de voler tout, même la mamie, laisse aussi la mamie. C'est un de ses amis qui lui dit comme ça. Donc, ouais, vraiment, un bandit dit à un autre bandit, gars, laisse au moins la mamie. Ils vont préparer quoi demain? Ouais, n'est-ce pas? Oh, lui, il est bandit, l'autre, il est bandit, l'autre bandit voulait exagérer en volant même la mamie. Vous direz que l'autre bandit, c'est plus compréhensible que l'autre bandit. Les poutards, tous sont des bandits. Alors donc, gardez-vous à l'esprit que l'homme était en lutte perpétuelle avec le péché. L'homme, la quête de la résurrection, bien de l'éternité, était dans leur pensée et ils ne savaient pas comment ça va aboutir. Vous allez voir comment Job va dire, s'il pouvait savoir au moins, si j'avais la rassurance qu'une fois mort, je pourrais revivre, c'est que sa chair pouvait se taire. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il suffisait seulement qu'on dise à Job que même si tu meurs, là, le Seigneur t'attend de l'autre côté. À ce temps, il devait calmer ses ardeurs. Amen. Des questions? Amen. Bon, je crois que vous êtes fatigué. Bonne nuit alors. J'ai une question. Oui, le frère Emmanuel. Oui, par rapport à tout à l'heure, quand on reçoit la parole, on est pur. Mais dans le cas où celui qui a reçu la parole, s'il lui arrive de pécher, par exemple, il est toujours pur ou bien... Arrangeons la chose. Ce n'est pas n'importe quelle parole en tout cas. C'est que c'est Henri. Sinon, c'est comme ça, c'est que chacun, pour être pur, va mettre la Bible et écouter. Ou bien lire la Bible. Ça n'a rien à voir. Puisque Jésus, la parole qu'il en avait parlé à ses disciples, il restait au milieu de la foule, il parlait sans dire à la foule. Les foules n'étaient pas purifiées. Quand il parlait ces paroles-là, les gens disaient que non, ça c'est une parole d'un démoniaque. N'est-ce pas, mon frère Emmanuel? J'espère qu'on se comprend. Tu n'es pas fâché, non? Il dit Jésus, dans ce livre des Jean, chapitre 15, quand tu vas au chapitre 15, il faut prendre en amont le Jean, chapitre 6, depuis là où il a été prêché, que voici le vrai pain qui est descendu du ciel. Après, il dit, je vous dis ceci, afin que vous ayez la vie éternelle. Le but de la parole, c'est pour qu'ils les avaient donné. Ça veut dire que s'ils reçoivent cette parole, ils ont effectivement la vie éternelle. Mais ils ne parvenaient pas à recevoir. Il explique au chapitre 8 qu'en fait, vous ne pouvez pas croire parce que vous n'êtes pas de mes disciples. Mes disciples, eux, ils entendent. Et ma parole pénètre. Il dit pourquoi on ne comprend pas mon nom parce que vous n'êtes pas mes disciples. Mes paroles ne pénètrent pas en vous parce que vous n'êtes pas mes disciples. Donc, tu vas beau verser l'eau sur le canal n'importe comment, ça ne peut pas le rendre, ça ne peut pas le mouiller. Oui, mais si celui qui croit par exemple. C'est là que j'arrive. Donc, il faut qu'on se comprenne d'abord, un, que ce n'est pas la parole là, en tout cas, ce n'est pas n'importe quelle parole. Maintenant, ça c'est pour le cas du Seigneur Jésus. Ça c'est le cas du Seigneur Jésus parce qu'il sort la parole. Maintenant, si quelqu'un prend la Bible, commence à lire par le code théologique, il commence à savoir comment manipuler les versets. Ça ne servira absolument à rien. Parce que ça ne purifiera personne, même pas lui-même. Parce qu'il aura la connaissance, la clé de la règle de la doctrine. Pas l'esprit de cela. Ça, un démoniaque peut prêcher ça. Les pasteurs aussi peuvent prêcher ça. Les satanistes. En fait, dans les temples des francs-maçons, on juge au-dessus. Ils ont écrit dessus Sainte Bible. Donc, les livres saints. Mais le Saint-Esprit est couché derrière cette écriture. cette écriture qui est à l'intérieur doit travailler en harmonie avec le Saint-Esprit. Si ça avance seul, sans le Saint-Esprit, c'est la lettre comme tous les autres livres. La différence, c'est que le Saint-Esprit ne viendra jamais derrière la mathématique. Il ne viendra jamais devant le livre de médecine. C'est son livre ici. Donc, son caractère saint est donné à ceux qui sont liés, appelés et consacrés à l'œuvre du Seigneur. Le caractère saint de cette écriture. Vous entendez, saint livre. C'est un livre dont le Saint-Esprit utilise. C'est un saint livre. Le livre dont le Saint-Esprit utilise. Et donc, vous pouvez lire cela, ça devient un livre. Tant que le Saint-Esprit n'est pas en accord avec toi là-dedans, ça restera un livre comme tous les autres. Tu mets au feu, ça brûle. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient là-dessus, ça devient l'eau du bain pour pouvoir nettoyer le péché. En ces temps-ci, on dit donc que la parole t'a purifié, parce que l'Église est purifiée par l'eau de la parole. Et que pour cette parole purifie l'Église, il faut que cela soit envoyé pour préparer ces gens-ci. Si tu n'es pas envoyé, parce que le Saint-Esprit ne t'accompagnera pas. N'est-ce pas si vous me suivez? Frère Frédéric, daigne fermer ton micro. Ok. Maintenant, tu poses la question. Frère Frédéric, ferme ton micro. Il y a un son là, bizarre qui sort de là. Ok, mais tu poses la question maintenant. Et ceux à qui cela a été donné et qui ont une fois péché. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, on voit ce genre de personnes, pas vrai? Ouvrons 1 Corinthiens chapitre 5. Oui. 1 Corinthiens chapitre 5. Donc, lisons 1 Corinthiens chapitre 5 totalement et 1 Corinthiens chapitre 6 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 5. Oui, totalement. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifierez, vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre pâte, a été immolée. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, seulement frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, vous les jugez, ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Vous avez entendu ce qu'il y en a, n'est-ce pas? Maintenant, verset 9 à 11 du chapitre 6. On t'entend pas, frère. Je m'excuse, vous m'entendez? Son micro est fermé. Micro est fermé. Écrivez votre livre aussi de 6. Lis le 6, oui. Ok. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Donc, nous voyons effectivement ici qu'on explique l'état de cette personne à qui il a s'adresser avant le péché. N'est-ce pas, frère Emmanuel Yoba? Et tu te demandes maintenant, parce que j'ai d'abord balayé d'un revers de la main, qu'en réalité, ce n'est pas n'importe quelle parole qui purifie, ça ne concerne pas n'importe qui. Maintenant, tu reviens en charge en disant, pour ceux qui ont été purifiés une fois, si combien de péchés sont-ils encore purs? La Bible répond par la négation. Parce que dans ce livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, qu'on a lu, on dit que célébrons, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Tu vois? C'est ça qui va être le socle dans le livre des Romains, chapitre 5 et chapitre 6. Où il explique le fait que on est sous la grâce. Il dit comme on est sous la grâce, donc pécheur, on est bon pour que le péché abonde. Il dit loin de là. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, il dit que célébrons dans la fête, non avec les vins de la malice, donc l'insulte de l'impurité, ainsi de suite, mais avec la nouvelle, parce que Christ de Pâques a été immolé. Il a été immolé, c'est-à-dire qu'il a pris le péché qu'on avait sous nous. Comment on explique ici qu'il a été sanctifié? On a été sanctifié. Mais maintenant, cette personne-ci, une fois sanctifié, il a été purifié. Il a encore commis le même péché. Comment est-il? Ou bien, quelle est la solution? Il y a quelqu'un qui a de bouger avec son micro ouvert. Je crois que c'est le frère Loïc là. Allons-y maintenant dans le livre des 2 Corinthiens. Voilà, voyons, le cas qu'on reproche ici, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est résolu là-bas. Donc, allons au chapitre 7. Le premier verset d'abord, c'est Emmanuel Yoba qui va lire le verset 7. Parce que la question qu'il a posée, c'est la personne qui a été purifiée. S'il commet encore le péché, comment il est? Lisons. 2 Corinthiens chapitre 7, on va d'abord lire le premier verset, puis on va continuer au fur et à mesure pour suivre ce que l'apôtre Paul a dit de cette personne-ci. Ok. Le premier verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà. Donc, ça dit que, ici, il demande à ce qu'on se purifie, pas vrai? Ouais. Voilà. Maintenant, continue la lecture. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande souffrance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie ait été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en réponds pas. Stop. Donc nous voyons que ça c'est la deuxième lettre qu'il a écrit. Il a informé encore aux Corinthiens que apparemment, comme il avait écrit dans 1 Corinthiens 5 et 6 là, ça a attristé les gens qui ont lu cela. Il dit qu'il ne s'en répand pas. Donc ça veut dire que ce qu'il a dit là, il ne change pas cela. Continuons. Car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me suis réjoui à cette heure, non pas de ce que vous aviez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la vous apporté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Stop. Donc ça veut dire que d'après ce que les gens ils nous disent ici, quand on a lu 1 Corinthiens chapitre 5 là-bas dans leur assemblée là-bas, lors de leur réunion et au chapitre 6, ils ont ça a vraiment brisé le cœur. Parce qu'il a dit, ôtez de tête mes personnes du milieu de vous, livrez-le à Satan, pour que les esprits soient sur lui. Quand ils ont entendu comme ça, là, la crainte de Dieu s'est emparée d'eux, et ils se sont repentis. C'est pour ça qu'il a dit la tristesse. Il va dire au verset 9 là-bas que la tristesse, selon Dieu, produit la repentance à salut dont on ne se repent pas. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne se repent pas, parce qu'ils avaient été attristés selon Dieu. Donc c'est Dieu qui les a amenés cela. La lettre et le message étaient violents pour les pousser à la repentance, parce qu'ils ne devaient pas vivre ce genre de vie. D'accord, mon cher? Continuons. D'accord. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, voilà. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voilà. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tout égard que vous étiez pur dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réduits beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si, devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion, mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Amen. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses nous confier en vous. Amen. Donc vous voyez effectivement que la lettre qu'il a donnée a attristé et les gens qui avaient commis cet acte sont allés dans la repentance. Comme il a dit, la tristesse les a produit la repentance. Et donc la réponse à ta question est posée ici. Est donnée ici au verset 1 puis le suivant jusqu'au verset 9. Lorsque quelqu'un qui a été purifié une fois de plus commet un péché, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se repentir parce qu'il n'est plus pur. Dans 1 Jean chapitre 2 également, il dit cela, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et dans 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 5, verset 7, il dit clairement que si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec la lumière et le sang de son Fils, Jésus-Christ nous purifie de tout péché. D'accord, mon frère? D'accord. Voilà, des questions, j'ai eu 7 à 8 questions aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Des questions encore, épuisez vos questions, épuisez. Si vous êtes épuisé, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai une autre question. Oui. C'est comment être approuvé de Dieu et se conserver pur. Comment? Être approuvé de Dieu et se conserver pur. Donc, c'est deux enseignements distincts. Comment être approuvé par Dieu, ça c'est un. Deux, comment se conserver pur, ça c'est deux. C'est le frère Frédéric. Ça fait près de 3 heures, nous sommes ensemble. Permettons donc qu'on voit ces deux thèmes-ci dans la première partie, deuxième partie de la semaine prochaine. D'accord, mon cher? D'accord. C'est très bien. Voilà des très grands thèmes. Comment être approuvé par Dieu? Deuxième thème, comment se conserver pur? Pour se conserver pur, il faut d'abord être au pur d'abord. Parce qu'on conserve ce qu'on a d'abord. C'est ce qu'on peut dire, n'est-ce pas? Oui. Tu ne peux pas dire que je suis en train de conserver lui dans ma gourde, alors que vous avez une gourde qui est comme ça. Si vous avez une gourde, vous voyez quoi? La gourde que je vous présente est comment? Vous voyez ça? Hein? Vous voyez l'huile qui est dedans? Hein? Non. Il y a quoi dedans? Il y avait l'eau. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais merci, je vous dis maintenant que je conserve l'huile ici vraiment jusqu'à demain. Ça a un sens là? Non. Parce qu'on conserve ce qu'on a. Parce que la question c'est comment se conserver pur. Vous voyez? On conserve ce qu'on a. Donc on va voir on va détacher cette problématique en voyant ce que la pureté. Comment l'acquérir? Et lorsqu'on l'a acquis, comment donc la conserver? D'accord? D'accord. Donc notez toutes ces ramifications. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Belgique dans la sainteté. On dit quoi? On dit bonne soirée, n'est-ce pas? Bonsoir. Que notre Père vous bénisse. Notre Père vous bénisse. Le Seigneur, je pourrais te faire plus. C'est qui? La sœur Suzanne. Ok, après. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même. Magnifique. Tout cherchant ton cousin, il n'y a qu'en tout avec plusieurs. Des alliances dans les humains viennent toujours la teneur. Où est Odile? Odile est où? Avec qui c'est le signe de l'alliance qui pardonne? Où est Odile? Elle est partie. Odile. Elle est là. La soeur Odile, elle est là, tu m'entends? La sœur Odile est là. Oui, allô. Allô. Allô. Voilà. La sœur Odile, tu m'écoutes? Oui, j'entends. Comment tu... Comment tu vas? Aujourd'hui, je tente de parler lorsque nous parlions de la définition de l'amour, j'ai parlé à une sœur là-bas. Par rapport au brisement de cœur, je me tourne vers toi avec cette question ici particulièrement. Parle-nous. Ou bien tu veux qu'on en parle en privé? Elle nous écoute là, sa connexion là. Oui, fait, la connexion qui n'est pas tellement bonne, donc dès que je me déplace, j'entends plus. Mais pourquoi tu te déplaces alors? C'est pourquoi j'essaie de rester sur place. Voilà, maintenant là c'est calme, le son est calme là. Là c'est bon, ça va, vous m'entendez bien? Oui, toi tu nous entends? Oui, je vous entends. Voilà, donc je disais donc tout à l'heure dans l'enseignement, j'ai tenté de finir là et puis on m'a attiré encore que je te parle. Je pose la question. J'ai tenté de parler de cette sœur-ci, Myriam, tout à l'heure, lorsque nous parlions là par rapport à la définition des miséricordes et de l'amour. Et je parlais des brisements du cœur. Je veux qu'on en parle. Si tu veux qu'on en parle maintenant ou bien autrement. Non, qu'on en parle. Mm-hmm. Qu'on parle, que tout le monde, que les frères aussi écoutent et jugent. Je ne sais pas. Mm-hmm. Comme on te juge, oui, on juge. Dis-nous, parle-moi, je pose la même question. Qu'on juge ce que je vais dire. Bon, je sais en fait je veux parler dans ce sens-là. Oui. Oui, ils écoutent et discernent ce que je vais dire, je crois. Amen. Donc, je dis, par rapport à la déception de l'amour dans le cœur, comme la question que j'ai posée à cette soeur-là, si on te pose la même question, tu diras quoi? Oui, que j'ai eu à vivre ces déceptions-là. As-tu pardonné? Je pense bien. Tu me vois, vous m'entendez? Oui, je te vois exactement parce que la réponse n'est pas bonne. Je pense que j'ai pardonné parce que j'ai eu à parler avec la personne et on est passé à autre chose. Donc, c'est pourquoi je dis, je pense bien que j'ai pardonné. Ok. De toute façon, j'ai été invité à parler de ce sujet avec toi. D'accord. On se dit à mardi, n'est-ce pas? D'accord, à mardi. Mmh. Souviens-toi de la question, d'accord? Oui, oui, je me souviens bien. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Mmh. Bienvenue dans la sainteté, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Mmh. Depuis bien